Chicaricuas. La compagnie s'appelle Idéo. En plus, on dit ça va rouler des îlots. Oublie pas la réunion, l'amour, les ronds. Je fais pour plus, on dit Chicaricuas. À nous, un reggae chanté en créole par le groupe du Chaudron Natty Dread. Et Sega Maloya, cette sélection musicale pays, va s'achever maintenant avec Fred Espel, l'homme au violon bleu, et avec ses musiciens, c'est pour le Sega Coup de Vent. Astéa Mediazot sur le coup de plus tard sur Réunion Première Radio qui met toujours la musique pays en l'air. Jackie réveille la Réunion. Jackie réveille. Viens nous voir réveiller à Zone. Sur Réunion Première. Avant, en tout cas, il y a un train avant de m'en donner. De toute façon, nous, si je vais vous dire, vous connaissez comment elle est. Hein. Je chauffe le corps. Eh, bah, Zone, viens boire un café avec nous. Allez où ça, vous venez, nous la même. Eh ben nous les la même. Bonjour la Réunion, c'était Sega Malouya avec André Maurice sur Réunion Première. De la fraîcheur, du vent et de la pluie, route mouillée, prudence ce matin. Et bienvenue sur la Première, il est 5h. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Ils vont faire appel. Nassima Dindar, Jean-Jacques Vlodi et Bachil Vali ont été condamnés hier à de l'inéligibilité. 3 ans pour la présidente du département, 18 mois pour le député du Sud et 1 an pour le maire de l'Entre-deux. Tous ont été reconnus coupables de discrimination à l'embauche dans l'affaire du foyer de Terre-Rouge. C'était en 2008. Hier, seul Jean-Jacques Vlodi s'est rendu au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Il parle aujourd'hui de procès politique. Suzette Emma. Les condamnations sont extrêmement lourdes. Jean-Jacques Vlodi n'en revient toujours pas. Le député, seul élu à s'être présenté ce matin devant les juges de Saint-Pierre, est reconnu coupable de discrimination à l'embauche. Le 10 mars dernier, l'élu du tampon s'était défendu en expliquant que c'est son travail de transmettre des CV. 18 mois d'inéligibilité, 30 000 euros d'amende, la pilule est dure à avaler pour Jean-Jacques Vlodi. Elle doit l'être tout autant pour Nassima Dindar, déjà sous le choc lors du réquisitoire du procureur. La présidente du département est condamnée à 3 ans d'inéligibilité. Le tribunal n'a pas cru sa version répétée de « je n'étais pas au courant ». Bachil Vali est le 3e élu condamné à 1 an d'inéligibilité pour avoir favorisé l'embauche de 3 salariés du foyer Terre Rouge. Il va faire appel de ce jugement comme Jean-Jacques Vlodi. C'est évident que ce procès, il n'est pas terminé. Les conditions d'un appel sont réunies. C'est la deuxième manche, on va dire, puisque la première, nous l'avons vue, elle n'est pas sur le fond, elle est sur la forme. Nul doute que Nassima Dindar va elle aussi faire appel. La présidente du département ira en effet en appel, information confirmée par son avocat, maître Alain Rapadi. Même chose donc pour Jean-Jacques Vlodi et Bachil Vali, ainsi que pour Michel Soukramanien, membre du cabinet Dindar. Lui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Dernier mis en cause dans cette affaire, Yvon Bello, ancien conseiller général, il a été relaxé. Cette affaire du foyer de Terre Rouge, on en reparle à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Paul Junot, le président de la CFTC Réunion, à l'origine de la plainte dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Lui va devoir quitter la Réunion. Papa Sané a été condamné hier pour abus de faiblesse. Le gourou de Saint-Louis avait embrigadé plusieurs jeunes filles qui avaient alors tout quitté, maison, famille et enfants, pour suivre son enseignement. Aujourd'hui, elles affirment toujours ne pas être contraintes. Le tribunal de Saint-Pierre l'a tout de même déclaré dangereux et a condamné Papa Sané à 8 mois de prison ferme et à 3 ans d'interdiction du territoire. Sa femme Farida Hassani écope de 6 mois de prison avec sursis. Dans le reste de l'actualité, les agents des finances publiques en grève hier à l'appel du syndicat solidaire. Ils sont une 60aine à s'être réunis devant le centre des impôts de Champfleury à Saint-Denis. Ils dénoncent les suppressions de postes, 2300 en France, 15 à 20 dans l'île, mais pas seulement. Les nouvelles directives sont aussi dans le collimateur de solidaire. Le syndicat prévient, il y aura moins de services, moins d'accueil avec la mise en avant d'Internet. Les planteurs sont inquiets, Florent, les aides de l'Europe tardent à arriver. Et oui, en cause, la politique agricole commune, elle a mis 2 ans à se mettre en place. L'Europe a ensuite eu à adapter ses logiciels informatiques, d'où le retard. Le problème, c'est que les agriculteurs outre-mer tirent la langue. La Chambre d'agriculture et le ministère ont donc mis en place un système d'aide d'urgence. Pas de chèque en blanc. L'État va en fait prendre en charge les intérêts des échéances de prêts. La Chambre verte, elle, apportera un soutien opérationnel. Un fonds d'aide de 150 000 euros a d'ailleurs été réactivé. En pleine semaine du développement durable, le livre blanc de la ville durable réunionnaise a été présenté hier par le préfet. Une question en ligne de mire, à quoi va ressembler la ville de demain? Concrètement, les cases à terre ne vont pas disparaître, mais il sera de plus en plus difficile de profiter d'une cour de 500 mètres carrés. Dans la zone à Mayotte, les autorités ont interpellé plusieurs jeunes hier avant de détruire des habitations illégales. Une opération dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Par ailleurs, 102 policiers et 42 gendarmes ont été envoyés en renfort à Mayotte. Et cela dans le cadre du plan sécurité, un plan présenté hier et qui prévoit justement de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et les actions de prévention de la délinquance. On revient à la Réunion avec le ça qu'il faut. C'est parti, enfin presque, les premiers concert commence ce soir à 18h à Saint-Pierre. Au programme, notamment Lilywood on the Prick, les casseurs flotteurs ou encore Abd al-Malik à la Poudrière. Le sac qu'il faut, c'est sur Réunion Première tout ce week-end. Et puis la fête des Goyavis Olivier démarre aussi aujourd'hui à la Plaine des Palmistes, 28e édition cette année. Ça se passe sur le champ de foire du Bassin Cadet. C'est la fin de ce journal, place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Et ce matin, Julie Smul, on parle des conséquences des fortes pluies dans l'Hexagone. 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité cette nuit dans le Loiret et en Île-de-France à cause des inondations. 20 000, c'est aussi le nombre de personnes qui ont été évacuées en tout depuis le début des intempéries. Des évacuations qui continuent dans certaines zones comme en Essonne par exemple. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé qu'il se rendra sur place cet après-midi. Hier, les inondations ont fait une victime en Seine-et-Marne, un homme de 74 ans emporté par les eaux alors qu'il faisait du cheval. Maintenant, c'est vers Paris que la crue se déplace. La Seine continue de monter. Le pic devrait être atteint à la mi-journée. Le RER C ne circule plus. Ça va durer jusqu'à lundi. Et deux musées, le Louvre et le Quai d'Orsay, vont rester fermés aujourd'hui, le temps de mettre à l'abri les œuvres. François Hollande l'a annoncé, l'état de catastrophe naturelle sera bien reconnu pour les zones les plus touchées par les intempéries. Et ce, dès le prochain Conseil des ministres. Ce sera la semaine prochaine, mercredi. François Hollande, qui a aussi tenter de calmer la colère des maires de France. Il leur a annoncé hier après-midi que l'une des mesures qui les énerve le plus, la baisse des dotations de l'État, eh bien elle serait finalement moins importante que prévu. De moins 2 milliards d'euros, on passe à moins 1 milliard. C'est une avancée, mais c'est insuffisant, a déclaré hier soir sur France Info Agnès Lebrun, la vice-présidente de l'Association des maires de France. Toujours des tensions autour de la loi travail. La grève à la SNCF est reconduite pour aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Sudrail. Mais pas de l'UNSA, l'UNSA qui a décidé hier de sortir du mouvement. Des manifestations ont eu lieu d'ailleurs un peu partout hier contre cette loi travail. Manifestation qui a dégénéré à Rennes et à Nantes avec plusieurs personnes légèrement blessées dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Dans les raffineries, les blocages continuent. Mais hier, la direction de Total a annoncé vouloir redémarrer celle de Donges en Loire-Atlantique. Les salariés ont décidé de se réunir cet après-midi pour prendre une décision. Un attentat a peut-être été déjoué en Allemagne. Trois jeunes Syriens ont été interpellés hier, suspectés d'être en lien avec le groupe État islamique. C'est un quatrième homme qui est déjà en détention en France qui a averti les enquêteurs. D'après la justice allemande, ces hommes avaient prévu de commettre une attaque suicide de grande ampleur dans le centre-ville de Düsseldorf. La météo pour aujourd'hui, avec toujours la Seine-et-Marne qui est en vigilance rouge. 12 autres départements sont en vigilance orange, pratiquement toute la région Centre-Val-de-Loire et puis l'Île-de-France. Pour aujourd'hui, le temps va rester très maussade avec des nuages un petit peu partout. Le seul endroit qui verra un petit peu le soleil, c'est autour de la Méditerranée dans la matinée. Et puis dans l'après-midi, les pluies vont s'intensifier sur une majeure partie du pays. Il y aura peut-être également des orages au-dessus de la Bourgogne et sur les reliefs. Les températures, elles restent toujours inférieures au normal de saison. Dans la matinée, comptez sur la majeure partie de la France entre 12 et 17 degrés. Pour l'après-midi, ça reste frais. 14 seulement à Brest. En général, il fera entre 15 et 20. Mais il fera un petit peu plus chaud dans certains endroits, comme autour de la Méditerranée. Toujours, il fera notamment 26 cet après-midi à Perpignan. L'info revient à 5h30. La météo avec du vent encore aujourd'hui, de la fraîcheur et de l'humidité sur l'Est et sur Saint-Denis. Le vent qui reste l'élément marquant de ce vendredi. En effet, alors toujours d'un secteur Est, on a des rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes de Saint-Pierre. C'est ça qui souffle. À Sainte-Marie également, ça souffle pas mal sur les hauteurs exposées comme sur le volcan notamment. Les brises qui soufflent sur les plages de l'ouest. Alors sur la région de la Possession, il va prendre une composante nord-est avec des rafales de 60 km/h quand même. Côté ciel, après le temps humide et pluvieux de la nuit, eh bien sur une bonne partie est de l'île, la région de Saint-Joseph-Saint-Denis, les éclaircies font leur retour. Pour cet après-midi, le ciel est plutôt variable avec des averses par place, principalement dans les hauts, dans l'intérieur de l'île également. Sont attendues des averses du côté du nord-ouest avec un littoral des côtes ouest et sud-ouest qui conserve un soleil plutôt majoritaire. Côté température, encore de la fraîcheur pour ce matin, mes amis. Et puis en cours de journée, 15 degrés au volcan, 26 degrés en moyenne sur le littoral. Et puis on va dire 28 degrés sur les plages de l'ouest en ce qui concerne la mer. Attention, elle reste forte dans les secteurs ventés. Réunion première. Spartiate ! Quel est votre métier ? Confrère à brancher ! Aïe, maman ! Bonjour, comment il est là ? Il est sur la route, bon courage. Et on embrasse, c'est écoute à nous le matin. Elle nous reste qu'à plus Réunion première. Voilà, vous allez dans les bâmes là. Et là, quand vous croyez, vous allez dans les bâmes, vous allez de l'autre côté. Là, il manque à moins grand couteau de mon dieu. Get a shiver in the dark, it's raining in the park. Entrez gratis sur le petit bout de pain. Si quelqu'un n'aime pas son travail, allez pas. Oui, bonjour Jackie, comment vas-tu? Ça va, tout doucement. Tout doucement. Ah, elle est là, doucement, doucement, c'est maximum. Qu'est-ce que ça l'est? Ah, mais Dieu. Jackie, bonjour. Comment sorte la case? Ah, vite, dans le chemin. Oh, bon, non. Ah, c'est bien. Écoute, je prends sa musique locale. Regarde, fion. Bonjour Jackie. Putain, là, grand matin, la soucoupe, ça te brûle. Ah, ben il faut, de toute façon, la période du chien, tout le monde habite dans le monde, vous connaissez. Ben bonjour, tout le monde, il a un grand matin chez toi, il s'en a courage, il travaille, et bonne journée, c'est une petite comédie. Grand matin, Jackie Revelle, sur Réunion Première. Ah, bon. Bien cherché. Jackie Revelle, la Réunion. Il danse intérieur. Il bouge pas, hein? Il bouge un petit peu même, mais c'est plutôt à l'intérieur qu'on ressent les affaires. Bonjour à la Réunion. Bonjour à la Pocodive. Il commence. Dit la couille Nice. 5h11 minutes. Mais espèce, elle a passé une bonne nuit. On est bien content d'accompagner ça jusqu'à 8h. Donc pour la matinale avec toute l'équipe, hein, Yves Grouillet pour la route. Prisca au marché forain de Saint-André également. Et puis à 7h15, Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Paul Junot, secrétaire général de la CFTC Réunion, à l'origine de la plainte dans l'affaire du foyer de Terre Rouge qui fait la une, hein, de la presse. Donc on en parlera à 7h15 ce matin. Bien avant cela, mes amis. Donc jusqu'à 6h, hein, 02 62 99 2000 ce matin. Eh bien, pour faire un point déjà sur la route, le trafic, comment ça se passe? Il pleut dans l'Est, prudence. Sur Saint-Denis également, par intermittence, on a droit à de la pluie. Donc, chaussée mouillée, soyez prudents. 02 62 99 2000 pour joindre le standard de Réunion Première. Bienvenue à ce numéro et au 06 92 608 335. Priorité à l'information routière, mais également pour les anniversaires ou encore souhaiter une bonne fête à Kevin, puisqu'on fête les Kevin aujourd'hui, en ce vendredi 3 juin 2016. Bon réveil à toutes et à tous. Pour moi, l'amour, Natacha Tortilla. Pour moi, l'amour, c'est de réveiller ça tous les matins. Enfin, nous réveillons ensemble. Un petit café et puis les parties pour cette journée de vendredi. Bon courage. Dernière ligne droite avant d'apprécier notre week-end. L'amusement, en plus avec la fête Goyavier ou encore le Sakifou à Saint-Pierre. Bienvenue sur la première. comme ça, ben moi, ils mettent à moi de bonne humeur et me passent une bonne journée. Et ouais, avec cette chanson de Natacha Tortia, pour moi l'amour, mais soit à zot un bon réveil. Avec 4 650 000 euros, eh ben, Mouna en a déjà fait à pouffer, hein. Ça, c'est le montant de la tirelire pour le prochain course cheval des Amadon à zot l'arrivée quintée. Pour hier, il fallait miser le 8, le 6, le 7, le 4 et le 11, le 8, le 6, le 7, le 4 et le 11, et le numéro plus, c'est le 23,85, Amateur Fist. Vous êtes nombreuses et nombreux à jouer hein, à la course cheval, aujourd'hui c'est l'hippodrome de Vincennes. Mais quand je dis aujourd'hui, c'est à 21h47, donc nocturne, un attelé, c'est la course, c'est une course européenne avec 18 partants, 2700 mètres à parcourir. Voilà, comme ça, ça t'y prend le temps de noter. Et puis ce matin, à 6h50, vous aurez les pronostics de Pascal Maillot. Et du fouineur du GIR. Après, pour le résultat, il va falloir attendre demain matin avec Elodie pour l'arrivée de cette course. Donc, 6h50 pour les pronostics de Pascal Maillot et du fouineur. Donc, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Le rappel des courses sur www.lapremière.fr. Allô, première. Il ne faut pas faire la langue de bois là-dessus. Bonus, malus, contre les gens qui n'ont pas les moyens. Il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on crache en l'air, ça nous retombe sur la figure. Allô, première. Je fréquente beaucoup Bonnes Antilles. Venez à nous, vous êtes des agneaux. Et si t'es pas content, on te casse la gueule. Parce que ici, c'est à nous. Du lundi au vendredi, le débat. 8h, 9h. Claude Montané sur Réunion Première. L'émission est là, bien fait cause. Moi aussi là-dedans. Allô, première. 8h, 9h. C'est le débat. Aujourd'hui, on va parler de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral qui est au cœur de votre allo première. Donc à partir de 8h et ce jusqu'à 9h, l'OMS parle de pandémie mondiale. Pourquoi ? Eh bien des éléments de réponse avec vous, avec vos témoignages au 02 62 99 2000 ce matin entre 8h et 9h sur la première. Ce numéro de téléphone, vous le composez dès maintenant. D'ailleurs, on vous rejoint tout de suite au standard. Réunion première, bonjour. Zaki ! Allô, Zaki ! Mettre glacé, mettre glacé, putain. Oui, mais il faut pas mettre trop en l'air, sinon si vous mettez dans la fée, dans le congélateur, il pète. Ah. Ouais, après, poutier, ça, ouais. Poutier, c'est clé, des chi. Et comment il appelle? Des chi. Et ceci, c'est congelé. Il fait pitié. Non, tu sais, ben. Allez, voir la ravine, là. Hein? Il voit la ravine. Il voit la ravine. Pas ici, vous connaissez. Hein? Il sent pied à fond. Le vent, les dangereux. Et ben du mot là, du mot la ravine. Oui. La mer ravine qui est appuyée d'un côté le cléateur là. Oui. La première pied de bois bouge du rapport. C'est rien. Un pied de bois bouge pas là. Ok, ben essayez parce que ici mes pédiaux le vent il donne. Ben comment ça se fait, Néné Colline par là il défend le vent passé bien. Vous pouvez pas, mais c'est la colline là, c'est là où on dirait. Ah ben oui, c'est la colline. Qui c'est chanté ça, Phil Collins. Ah. Ah, il touche hein. Là, tout ça loin. Si la colline se n'a fait là-haut. Que c'est fait là-haut? Hein? C'est pas Joël, c'est Joël, t'es 5 étoiles, 4 et 1, fil là-haut. C'est pas 4 et 1, c'est salaud, autant. C'est salaud, autant quand t'es décidé pour les grands matagonais. Ben, t'es bien avec de l'offre. C'est maintenant pour on veut pour écouter. Ah, Gaïa, ben combien les gars là apprennent du guitare là-dessus aussi, frère? Ah, c'est ta main. Bon, après l'année à virer. Ouais, commencé, hein. Après la crise arrivée, l'euro le pèse à nous, hein? La fatigue à nous, la touche à nous, hein? Le temps passe vite, hein? C'est l'euro là. Hein, bonne maman, il est né, et puis après, la jamais vient, et puis c'est pas un billet 50 francs, qu'on dit que 50 francs, donne ton barreau, t'es qui me fait bon pèse à faire? Non, comme elle a souhaité 20 euros. Ça pourrait être un instant. Ben, quand ça met 10 euros ou mettre 10 euros gasoil, pour qu'on puisse garder au commun du tir, tout ça. Ben, il y a quand même. Ben, du tir, on est 103 qui. Tu mets gasoil dans 103 qui. Week-end, il annonce bien pour vous, hein? Week-end, c'est ça qu'il faut que. Ben, là, ça fait souvent un coup, hein. Parce que nous, on est chichés, hein, Pierre. Quel côté, et où ça va, tu crois que là, dimanche matin ou pas? Ah, le reste, c'est bien, c'est bon. Ah, les bons, je suis bien, nous racarènes là-bas, il y a rien. Ah, bon. Les bons, toute l'équipe, nous mettre un bon petit ambiance, vous autres, passez un petit peu sur le stand, allez voir Azot, et puis en radio, nous va bien apprécier également ce bébé de conscience, un petit coq-vélin. Ah, Ah, ou bien? Ah, moi, ben, c'est moi, ok, moi, c'est voilà. Vous connaissez, bon, puis l'ambiance, c'est ça qu'il faut, la fête Gouyavie aussi, n'oublie pas. Donc, il faut organiser, là, comprends? Ben, un jour, on fait un, l'autre jour, on fait l'autre. Ça peut aller, ça peut aller, après-midi, en famille. Ouais, ouais, ouais. Après, repose un peu pour apprendre lundi. Bien. On peut reposer, pareil, même tout le temps, on repose, pas pareil. Oui, mais ça, ils travaillent sans reposer, on va voir que ça va arriver où. Mais dis-moi, on va tout ça au frère. Je peux donner un bonjour à toute l'équipe, d'abord, c'est un grand matin comme nous-mêmes. Ouais. Un bonjour à Manix. Comme Manix. Et c'est à vous aussi. Salut Manix. Et puis, ben, ça même. Ben, dis les gars, fais attention, l'alcool là est dangereux. Oui, à consommer donc, avec quoi? Des rations. Qui c'est, les sangs? Hein? Un bit côté de case, non? Et pas du tout, bois de case, dis les gars, bois de case, non? Bois de case, n'avez pas roulé après, les vrais seulement. Il y a eu le train après. Non, mais écoutez, là, les mêmes de vous, comme nous, roule bon, ben, vous connaissez, c'est perdu, c'est le travail. C'est travail, quand tu payes impôts, quand tu payes impôts, c'est du case. C'est du case. C'est trop ça, hein, les tous. Ah, le frère, ben, bien, bien, merci bien d'avoir partagé ce moment-là avec nous, grand matin, frère. Bon, allez, ben, bon week-end, nous tous, et puis, ben, mettre gâté. Eh ben, mettre gâté, quoi, soir, on y retrouve. À bientôt, le frère. Allez, salut. Salut, 02-62-99-2000, fait plaisir quand nous sommes autres grand matin. On va saluer Claire-Marie également, petit message. La pluie, la tombe toute la nuit dans l'Est, et là, quoi. Et là, comment dire, graines sérieux. Et bien encore de la pluie pour aujourd'hui. Donc en tout cas, ce matin, on aura les prévisions pour la journée tout au long de cette matinée sur Réunion Première. Bienvenue. Allez, où ça, vous venez nous la main. Jacques, réveille la Réunion. Sur Réunion Première. Wow. De toute façon, je suis venu derrière, vous connaissez comment elle est. Viens nous voir réveiller. Maman, en tout cas, il y a un train avant de m'entraîner. Lève, vas-y, viens boire un café avec nous. là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Faut du cœur, faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. Jean-Jacques Goldman sur Réunion Première avec un très bon souvenir. 5h30 à La Réunion et nous allons faire un point sur l'actualité sur Réunion Première avec Florent Marot qui nous a rejoint. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Une décision politique, voilà comment Jean-Jacques Vlaudy qualifie le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Le député a été condamné hier à 18 mois d'inéligibilité. Inéligible également Nassima Dadar et Bachil Vali. 3 ans pour la présidente du département, 12 mois pour le maire de l'Entre-Deux. Tous ont été reconnus coupables de discrimination à l'embauche dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Ils vont faire appel. Lui va devoir quitter la Réunion. Papa Sané a été condamné hier pour abus de faiblesse. Le gourou de Saint-Louis avait embrigadé plusieurs jeunes filles qui avaient alors tout quitté, maison, famille et enfants, pour suivre son enseignement. Le tribunal de Saint-Pierre l'a déclaré dangereux et a condamné Papa Sané à 8 mois de prison ferme et à 3 ans d'interdiction du territoire. Les agents des finances publiques en grève hier à l'appel du syndicat Solidaire. Ils sont une soixantaine à s'être réunis devant le centre des impôts de Champfleury. Ils dénoncent les suppressions de postes, mais aussi les nouvelles directives. Le syndicat Solidaire prévient il y aura moins de services, moins d'accueil avec la mise en avant d'Internet. Pas de chèque en blanc, mais une aide d'urgence, Florent, pour les planteurs réunionnais. Et oui, une aide pour pallier le retard des fonds européens. La politique agricole commune a mis du temps à se mettre en place. L'Europe a ensuite eu à adapter ses logiciels informatiques, d'où le retard. Le problème, c'est que les agriculteurs outre-mer tirent la langue. L'État va prendre en charge les intérêts des emprunts. La Chambre d'agriculture, elle, apportera un soutien opérationnel. Un fonds d'aide de 150 000 euros a d'ailleurs été réactivé. En pleine semaine du développement durable, le livre blanc de la ville durable réunionnaise a été présenté hier par le préfet. Une question, à quoi va ressembler la ville de demain? Concrètement, les cases à terre ne vont pas disparaître dans notre île, mais il sera de plus en plus difficile de profiter d'une cour de 500 mètres carrés. À Mayotte, les autorités ont interpellé plusieurs jeunes hier avant de détruire plusieurs habitations illégales. Une opération dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. sécurité et l'immigration clandestine. 102 policiers, 42 gendarmes ont été envoyés en renfort à Mayotte, et cela dans le cadre du plan sécurité présenté hier. On revient à La Réunion avec le sac qu'il faut. C'est parti, enfin presque. Les premiers concerts commencent ce soir à 18h. Au programme notamment Lilywood on the Pricks, les Casseurs Flotteurs ou encore Abdel Malik. Le sac qu'il faut, c'est sur Réunion Première tout ce week-end. Et puis la fête des Goyaviers démarre aussi aujourd'hui à la Plaine des Palmistes. 28e édition cette année. Ça se passe sur le champ de foire du bassin Cadet. L'essentiel de l'actualité locale, Florent Marot. L'info revient à 6h. Les prévisions météo pour ce vendredi. Alors le vent est toujours l'élément marquant de la journée. 80 km/h sur les côtes de Saint-Pierre. On attend 80 km/h également à Sainte-Marie, sur les hauteurs exposées, comme le volcan notamment, et puis des brises qui soufflent sur les plages de l'ouest. Sur la région de la Possession, il prend une composante nord-est avec des rafales de 60 km/h environ. Et côté ciel, eh bien, après le temps humide et pluvieux de la nuit, sur une bonne partie est de l'île, de la région de Saint-Joseph à Saint-Denis, les éclaircies font leur retour au cours de la matinée. Cet après-midi, le ciel est variable sur la côte au vent, où des nuages et éclaircies se partagent donc le ciel. Et prudence, puisque la mer est agitée en ce vendredi. Réunion Première. Bonjour aux autres tous. Bonjour cousin, mais ce matin t'es déjà pour lever. Hein. Ah, j'ai trop frété. On a une chanson d'Avi de Saman, il dit faut béquer là. Il y a des roues comme ça, du sud, les collés dans le fond, tasse. À moi, mais les collés dans l'île matin, là, il faut lever pour les travails là. Comme des chics dans le fond, tasse. Oh, donne-lui-moi les collets. Tati, bonjour. Comment il est? On connaît à moi encore. Je suis aussi du côté de la patate, dans le sud. Donc un petit bonjour à cette dame. Et un petit bonjour à tous les routiers qui écoutent à nous le matin, qui écoutent Réunion Première le matin. Spartiate. Il faut donner pour aller. Allez. N'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller. Mal à pour gagner mon manger. Il faut donner pour aller. N'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller. Chacouiller faut béquer. Eh ben nous baquons ensemble sur Réunion Première et prudence sur la route du littoral. À la Grande Chaloupe, il y a une poubelle sur la voie de gauche. Voie de gauche donc, sur la route du littoral à la Grande Chaloupe. Un fourgon fait une tape dedans apparemment. Et puis le fourgon est garé un peu plus loin. Prudence sur la route ce matin, notamment sur la route du littoral. Merci Yannick. On va prendre le temps d'envoyer à nous ce message-là au 608-335 sur la route du littoral à la Grande Chaloupe. Il y a une poubelle donc sur la voie de gauche, un fourgon qui a tapé dedans, donc qui est garé un peu plus loin. Mais j'espère que les sans gravité. Hein. Voilà, merci Yannick. 06 92 608-335 pour les messages. Par texto, on va saluer Fabrice également. Whisky au congélateur, il pète pas. Les pète pas, les ou pèlent à salir tout le temps tant qu'on veut. L'alcool, il congèle pas, c'est une propriété physique. Eh bien, consomme allié avec modération quand même. Et bon week-end, Dallon. Salut également Adrien ce matin. Bonjour à qui vendredi, il est là. Le temps. Alors non, ça, c'est pas Adrien. Adrien l'a dit, la vie de maintenant, eh bien, il faut plus y faire rien pour personne. Tout le monde, comme moi, Zati, arrête tranquille. Pauvre France, fait pour personne si ou la pointe crève. Comment il est binôme? Binôme l'a dit comme ça, la bonjour à qui vendredi, il est là, le temps les corrects, si trois bassins, bonne journée nous toutes. Un Piouk 549, David Leroutier et tous les amis. Voilà, binôme au 06 92 608 335. 1, 2, 3. Mais d'argent et quoi? I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high. Jason Derulo ce matin sur Réunion Première, vendredi 3 juin 2016. Bonne fête si vous vous appelez Kevin. On prendra la direction de Saint-André ce matin au marché forain. On salue également tous les forains, Saint-Paul et ceux des Camélias, puisque le vendredi, Camélia, Saint-André et également Saint-Paul. Bon réveil à toutes et à tous. On ira rejoindre Prisca tout à l'heure. On ira à Saint-André avec Prisca. Après, comme Zot, sur Réunion Première. Chaudron, ça. Chaudron, c'est le dimanche pour le marché forain. Et le mercredi également. Parle-nous BSO l'humanité. Bon réveil à toutes. Can't be. Yarma ce matin sur Réunion Première. La musique du bonheur, j'ai envie de dire. Gaïa, un petit mot. Sauf que on salue Jocelyne de Sainte-Clotilde qui se réveille avec la bonne humeur de Réunion Première. Bisous Jocelyne de Sainte-Clotilde. Faites-le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Le plein de saveurs dans l'Est ce matin à Saint-André. Bonjour Prisca. Bonjour, attention Stéphane, ça va être à vous. Allez, je passe le micro à Stéphane. C'est lui qui me remplace ce matin, Jackie. Allez. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. C'est à vous. Oui, bonjour. Ce matin, on est sur le marché de Saint-André, là, à côté de Prisca. Ce matin, je vais remplacer Prisca. Alors, bien, qu'est-ce que vous faites? Bah, actuellement, Prisca, elle est dans les fleurs. Hein. Voilà. Prisca est dans les fleurs. Et elle va tomber dans les fleurs. Je ne sais plus où mettre ses pieds. Et comme ce matin, le temps sur Saint-André, c'est couvert. Oui. Voilà, sans pas de pluie. Mais espérons, ça ne va pas tomber. Hein. Espérons, oui. Alors sinon, ça, qu'est-ce que vous propose à nous, Stéphane? Qu'est-ce que vous vend-nous? Ben, moi, mes maraîchers, donc, là, mais les pas devant ma table. Oui, mais qu'est-ce que vous n'avez sinon? Qu'est-ce que vous propose à nous? Là, ma niche, c'est mon goûter. Ah, goûter. Mais ne pas au chocolat. Pas au chocolat. Ou la faim, un sort de café. Ah, ben, moi, la faim, ben oui, mais ben, vous lève grand matin, il faut bien au point un truc à manger, à boire, non? Ouais, mais dis-moi un petit coup, là, vous faites marasser forain tous les jours comme ça, là, depuis grand matin? Ah, ben oui, ben là nous ravitaille à nous, côté Aurélien. Oui, Aurélien, cela, ça nous bien, si moi, c'est forain, ça. Ah, ben oui. Et si Aurélien, t'es pas là, comment on nous fait, là? Ah, ben si, t'es pas là, et nous aurait raison de vide. Ben, nous devons, t'es vide, elle dit, un goni vide, tiens, pour pas de bout, le frère. Ah, oui, tiens, pas de bout, oui, on a raison. Néné, un peu salade, dis-moi, les maraîchers, là. Oui, ben là, ben oui, on a une salade. Eh. Néné, salade, néné, épices, est-ce que néné, côté au milieu, pour mettre dans le rougail tomate? Ah ben non, non, bien sûr, ça, ça il est immanquable, là, ça. Et est-ce qu'il y en a la menthe pour mettre dans le mojito? Ah, mojito, non, ben là, tout, tu marches, tu peux trouver tout. Hein. Ah oui. Et est-ce que le prix? Ah ben le prix, là on va dire les épices, c'est 1 euro, les épices. Hein. Tous les épices, les 1 euro? Oui, tous les épices, oignons, le thym. Cotomili, 1 euro. Hein. Alors, Stéphane, en début de semaine, nous t'écoutons avec Prisca justement sur le thym qu'il avait point beaucoup. Est-ce qu'on est le thym en quantité ou? Ben non, en quantité, non. Hein. Là, en ce moment, le thym, il devient pierre rare, on va dire. Oui. Ouais. Mais le petit paquet, il est joli quand même pour 1 euro. Ben le petit paquet, on va dire, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Les épices, ils sont à 1 euro sur le marché forain de Saint-André ce matin avec Stéphane. Qui a pris le relais sur Prisca ce matin? Que ça fait Prisca, puis la voix, quoi? Prisca, elle a, il veut monter un overboard. Ah, il reste là, allez. Ah bon, il veut monter un overboard? Bah ouais, attendez, puis Stéphane, il m'a dit, ce matin, Prisca, j'assure, c'est moi qui fais la première intervention. Hein, j'ai envie d'être animateur sur Réunion Première. Génial, ce garçon. Donc, il est génial, vous avez vu, ça m'a arrêté. Ouais. Il a son lait au chocolat, comme les bébés, et puis il va vendre des salades. Alors vous avez entendu ce qu'il a dit, hein. Il y a des articles à 1 euro, c'est un peu la foire à 1 euro sur tous les marchés de la Réunion, puisqu'aujourd'hui c'est également jour de marché du côté de Saint-Paul dans l'Ouest. Hein. Donc aucune excuse, hein. Manger frais, manger pays avec Réunion Première. Et là, tout à l'heure, je vous présenterai ce marchand de fleurs qui cartonne hein, en ce moment sur le marché forain de Saint-André, puisque les habitués sont déjà là, ils sont déjà réveillés malgré le mauvais temps dans l'Est, Jacques. Eh ben bien, on va vous donner rendez-vous un peu plus tard, hein, en espérant que le temps est bien allé avec nous, avec beaucoup de vent également sur Saint-Denis. Prisca à Saint-André ce matin au marché forain, on vous donne rendez-vous à 6h20. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, reste bien à l'écoute de Réunion Première. Il y aura l'horoscope dans quelques instants. Les informations pratiques qui concernent vos quartiers avec une dégradation de la qualité de l'eau dans l'Est à Saint-Benoît. Je vous en parle après les avis de décès sur la première. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Zilmia Thérèse, née Vitry. Décès de Madame Zilmia Thérèse Névitry. Décès survenu le 1er juin, à l'âge de 59 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de la Plaine des Cafres aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en la chapelle ardente de la Plaine des Cafres à 14h cet après-midi. L'inhumation au cimetière de la Plaine des Cafres. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Chong, Shin Kiv Atio, décès de monsieur Chong Shin Kiv Atio, décès survenu hier à l'âge de 86 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud à la ligne Paradis. L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Louis. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de monsieur Ferblantier Ruben. Décès de monsieur Ferblantier Ruben. Décès survenu le 1er juin à l'âge de 86 ans. Une veillée se tient au 5 rue Canon à la Salines-les-Bains. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila à 16h cet après-midi. L'inhumation au cimetière de la Saline. Réunion Première vous fait part du décès de madame Macoral Marie Rita. Décès de madame Macoral Marie Rita. Décès survenu hier à Saint-Denis à l'âge de 66 ans. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de mademoiselle Nativelle Marie-Noël, fille de madame Nativelle Marcel et de monsieur Nativelle Joseph Axel. Décès de mademoiselle Nativelle Marie-Noël. Décès survenu à l'âge de 41 ans. Un recueillement se tient actuellement chez ses parents, 159 rue Haute, à Saint-Leu. La bénédiction aura lieu à 14h cet après-midi en l'église de Saint-Leu et sera suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Réunion Première vous fait part du décès de monsieur Saugé, Pierre, Dominique, Louis, Simon. Décès de monsieur Saugé, Pierre, Dominique, Louis, Simon. Domicilié au 145 rue Jean Châtel à Saint-Denis. Décès survenu le 31 mai à l'âge de 83 ans. La bénédiction aura lieu à la chapelle de Prima à 10h30 ce matin et sera suivie de la crémation. Réunion Première vous fait part du décès de monsieur Boyer Médéric. Décès de monsieur Boyer Médéric. Décès survenu le 1er juin à l'âge de 34 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez sa mère, madame Boyer Irène, au 48, chemin Bras Pistolet à Sainte-Suzanne, à 15h30 cet après-midi. La bénédiction aura lieu en l'église Sainte-Vivienne de quartier français à 16h, l'inhumation au cimetière de Chamborne. Réunion Première vous fait part du décès de monsieur Catherine Alex Michel, originaire du Port, décès de monsieur Catherine Alex Michel. Décès survenu en métropole le 31 mai à l'âge de 72 ans. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de madame Albaré, née Marie Moutou, Marie Agnès. Décès de madame Albaré, née Marie Moutou, Marie Agnès, décès survenu le 1er juin à l'âge de 71 ans. Une veillée se tient actuellement au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu à 13h30 ce jour au centre funéraire de Prima et sera suivie de la crémation. Réunion Première vous fait part du décès de madame Planès, née Bijou, Rose. Décès de madame Planès, née Bijou, Rose. Décès survenu le 1er juin à l'âge de 80 ans. La veillée se tient au 135 rue Saint-Expédie, à Terre-Sainte-Saint-Pierre. Le convoi mortuaire partira de cette même adresse à 14h30 cet après-midi. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Terre-Sainte, l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Réunion Première vous fait part du décès de monsieur Naz Jérémy, fils de madame Smith France-May. Décès de monsieur Naz Jérémy. Décès survenu le 29 mai en métropole à l'âge de 28 ans. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de madame Calpétard, née Picard, Anéhilde. Décès de madame Calpétard, née Picard, Anéhilde. Décès survenu le 1er juin à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon, boulevard du Lycée. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église du 23e kilomètre. L'inhumation suivra au cimetière du 23e kilomètre. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèques et Complémentaire Santé. habitez à Saint-Benoît, eh bien cette information vous concerne. Secteur de Rivière-des-Roches, Olympe, Abondance, Bourbier, Centre-Ville, Rive-Gauche, Cratère et Bracanote. Les abonnés constatant la dégradation de la qualité de l'eau doivent utiliser de l'eau en bouteille pour la préparation et pour la boisson également. Hein. Donc la préparation des aliments, comme faire cuire le riz par exemple, ou à défaut de la faire bouillir cette eau au moins pendant 3 minutes. Elle peut être utilisée pour les toilettes, les vaisselles, le lavage. Un communiqué de la CIS, donc des infos que vous pouvez suivre sur cis-reunion.re. Vous habitez à Sainte-Marie, voici des informations concernant la permanence de ce week-end. L'élu de permanence, c'est monsieur Rémi Lagourgue. Son portable, le 06 92 63 03 30. Pour joindre l'état civil, le 06 92 86 03 49. Pour contacter la police municipale, le 06 92 64 25 43. Ça concerne également les astreintes funéraires. On vous parle de cette manifestation depuis quelques temps. C'est le Trocali mobile du TCO qui continue sa tournée. Retrouvez cet espace de brocante qui est gratuit hein, de 8h à 18h dans vos quartiers. Aujourd'hui, Trocali mobile est toute la journée à Trois Bassins sur le stade de Bois de Neuf. Demain, il sera à Saint-Paul sur le quai Gilbert, côté étang. Donc, allez-y nombreux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du TCO. C'est tco.re ou le numéro de téléphone, c'est le 0800 605 605. Voilà pour les infos pratiques de ce matin et les avis de décès. Le prochain rendez-vous, ce sera à 11h50. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@france-tv.fr. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Viens mon flamme, de le soleil couché, chauffe mon âme, jamais, jamais calme. Viens mon flamme, depuis qu'on se connaît, jamais en panne, avec toi je plane. J'ai toujours le cœur en été, comme une étincelle à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. Et j'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud. Tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, ay sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, ay sube, sube, sube la calor. Viens m'enflammer, jusqu'à la nuit tomber, embrouiller mon âme, jamais, jamais calme. Hey. Viens m'enflammer, sans jamais t'arrêter, jamais en panne, avec toi je plane. Benji Girac sur Réunion Première avec Mekemo. Dans moins de 2 minutes, le journal de la rédaction. Pour l'heure, voici l'horoscope. Bonjour, un bonjour particulier au Kevin puisque c'est leur fête aujourd'hui. Nous sommes le 3 juin, nous sommes vendredi, bientôt le week-end. Pour ceux qui auront la chance d'être en week-end, voici tout de suite l'horoscope de la première. Bélier, vous avez besoin de vous diversifier. Taureau, la vie matérielle passe au premier plan en ce moment pour vous. Gémeaux, entre les réunions qui se bousculent et la douceur du sable des plages tropicales, il n'y a qu'un pas à franchir. Cancer, votre chance est là, sous votre nez, sachez la saisir. Lion, très belle entente avec les Sagittaires côté professionnel. Vierge, vous allez dire ce que vous pensez, plutôt à bon escient. À partir de ce moment-là, tout pourra arriver, surtout le meilleur. Balance, savourez le charme des rencontres inattendues. Scorpion, des objectifs se précisent, à la fois culturels et commerciaux. Sagittaire, vous êtes fier d'avoir su attendre le moment propice. Capricorne, inutile de forcer les choses, la voie est libre, alors passez tout simplement. Verseau, vous avez des idées plein la tête et vos journées sont toujours trop courtes pour vous. Poisson termine par vous, les situations les plus enchevêtrées vont se dénouer comme par magie, avec beaucoup de naturel. Excellente journée à tous et à toutes. Et encore une bonne fête au Kevin. Vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture pour vous rendre au travail, peut-être déjà au boulot. Bon courage. Encore dans le bus. Vous écoutez Réunion Première, soyez les bienvenus. Il est précisément 6h à la Réunion, c'est l'heure du journal. Le journal de la rédaction présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Les condamnations sont extrêmement lourdes. Jean-Jacques Vlody sous le choc, Nassima Dindar affectée avec Bachil Vali, le maire de l'Entre-deux. Ils ont été reconnus coupables de discrimination à l'embauche dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Résultat, ils sont inéligibles. Ils ont décidé de faire appel. Lui va devoir quitter la Réunion. Papa Sané a été condamné hier pour abus de faiblesse. Le gourou de Saint-Louis avait embrigadé plusieurs jeunes filles. Le tribunal l'a déclaré dangereux et l'a condamné à 8 mois de prison ferme et à une interdiction de territoire de 3 ans. Ils étaient une soixantaine sur 150. Les agents des finances publiques étaient en grève hier et ils dénoncent les suppressions de postes et les nouvelles directives. Lesquelles ? Réponse dans ce journal. Et puis c'est le jour J, le Sac Il Faut démarre officiellement ce soir avec les premiers concerts dès 18h. Début aussi aujourd'hui de la fête des Goyaviers à la plaine des Palmistes. Réunion Première, Florent Marot. Ils vont tous faire appel, mais c'est tout de même un véritable coup de massue. Nassima Dindar, Jean-Jacques Vlody et Bachil Vali ont été condamnés hier à de l'inéligibilité. 3 ans pour la présidente du département, 18 mois pour le député du Sud et 1 an pour le maire de l'Entre-deux. Tous ont été reconnus coupables de discrimination à l'embauche dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. C'était en 2008. Hier, seul Jean-Jacques Vlody s'est rendu au tribunal à Saint-Pierre. Il parle aujourd'hui de procès politique. Ce rendu du tribunal est sans commune mesure avec la réalité des faits. Il n'y a pas dans ce dossier de corruption, de malversation. Il y a très clairement une volonté d'atteindre des politiques. Et je le dis tel que je le pense et tel que le jugement est rendu aujourd'hui. On me demande tout clairement de me retirer de la scène politique avec 18 mois d'inéligibilité, c'est-à-dire en clair, j'ai commis une peine qui serait de nature à m'interdire d'exercer une fonction élective. C'est-à-dire qu'on me dit aujourd'hui que transmettre des candidatures, écouter des gens, que de répondre et d'essayer de répondre à des problématiques d'emploi, c'est condamnable et cela m'interdit d'assumer une responsabilité élective. Jean-Jacques Vlody au micro Réunion Première de Suzette Emma, le député qui écope également de 30 000 euros d'amende va faire appel, comme Nassima Dindar, Bachil Vali et Michel Soukramanien, membre du cabinet Dindar. Lui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Dernier mis en cause dans cette affaire, Yvon Bello, ancien conseiller général, il a été relaxé. Et on reviendra sur ces peines d'inéligibilité à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Paul Junot, le président de la CFTC Réunion, à l'origine de la plainte dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Lui aussi a été condamné hier. Papa Sané, le gourou de Saint-Louis, va même devoir quitter la Réunion. Il a été reconnu coupable d'abus de faiblesse. Il avait embrigadé plusieurs jeunes filles qui alors avaient tout quitté pour suivre son enseignement. Aujourd'hui, elles affirment toujours ne pas être contraintes. Le tribunal de Saint-Pierre l'a tout de même déclaré dangereux et a condamné Papa Sané à 8 mois de prison ferme et à 3 ans d'interdiction du territoire. Une peine injuste pour son avocat, Maître Midouari Ali, pour qui Papa Sané est innocent. Il n'y a pas d'abus de faiblesse. Et dans ce genre de situation, dans ce genre de dossier, lorsqu'on parle d'abus de faiblesse, c'est qu'il y a un profit qui est retiré par l'auteur de cet abus et une tromperie manifeste de la part de celui que l'on qualifie de gourou. Or, nous avons quelqu'un de profondément sincère qui est dans une quête spirituelle qui est celle dans laquelle il est depuis toujours, et qui a voulu partager cette quête spirituelle avec d'autres personnes, sans vouloir les tromper et sans retirer auprès d'elles le moindre profit. Donc cette personne, à mon sens, est innocente. Maître Midouari Ali, l'avocat de Papa Sané au micro Réunion Première de Pierre Komorasami, la femme du gourou Farida Hassani, mise en colle elle aussi, écope de 6 mois de prison avec sursis. Les agents des finances publiques en grève hier à l'appel du syndicat solidaire. Ils sont une soixantaine à s'être réunis devant le centre des impôts de Champfleury. Ils dénoncent les suppressions de postes mais aussi les nouvelles directives. Selon Solidaire, il y aura moins de services, moins d'accueil avec la mise en avant d'Internet. L'administration ne jouerait alors plus son rôle. Résultat, les agents ont installé un cercueil devant le centre de Champfleury et ils ont brûlé le document de la colère. Nadine Bachelot. À force, tire sur la corde, il finit par casser. Ce proverbe repris par Solidaire résume parfaitement l'état d'esprit du personnel des finances publiques qui dénonce les menaces qui pèsent sur l'administration fiscale. Suppression des numéraires dans les services, disparition des caisses, fermeture de certains centres, regroupement des services, ce sont les quelques mesures annoncées dans les nouvelles directives qui font grincer des dents. Pour Solidaire, c'est un service public low cost que l'on propose aux usagers. Magali Billard, la secrétaire adjointe de Solidaire. C'est dans un seul but, hein, coupe budgétaire. Ça permet de fermer des sites, donc d'éviter des loyers, d'éviter d'acheter des biens immobiliers, etc. Et ça permet aussi de supprimer des emplois. Et dans ces lignes directrices, tout cela est dit clairement, annoncé, assumé, avec un certain cynisme. Même son de cloche du côté de FO Finances Publiques. Pour Devan et Ganadan, c'est la chronique d'une mort annoncée. Cette administration subit tous les ans de nouvelles réformes sous prétexte de modernité. Et tout ça pour des raisons purement et simplement budgétaires. Comme vous pouvez le voir, le nombre de petites trésoreries qui ont fermé dans toute la France. À terme, c'est la disparition programmée de cette administration, alors que cette administration, elle est utile. Déjà par ses missions, elle collecte l'impôt. Le démantèlement de ce service public est tout simplement inacceptable, d'autant qu'on ne laisse pas non plus le choix au contribuable qui est contraint et forcé, à terme, de déclarer et de payer par Internet. Et on annonce 2300 suppressions de postes en France, 15 à 20 à La Réunion. Les planteurs aussi sont inquiets, les aides de l'Europe tardent à arriver, en cause le délai de mise en place de la politique agricole commune, les ajustements informatiques également. Le problème, c'est que les agriculteurs tirent la langue. La Chambre d'agriculture et le ministère ont donc mis en place un système d'aide d'urgence, pas de chèque en blanc. L'État va en fait prendre en charge les intérêts des emprunts. La Chambre verte, elle, apportera un soutien opérationnel. Réunion première, 6h06. Cette question maintenant, Florent, à quoi va ressembler la ville réunionnaise de demain ? Et oui, une question qui arrive à point nommé en pleine semaine du développement durable. Pour y répondre, le préfet a présenté hier le livre blanc de la ville durable réunionnaise. Concrètement, les cases à terre ne vont pas disparaître à La Réunion, mais il sera de plus en plus difficile de profiter d'une cour de 500 mètres carrés. Le développement durable, justement, avec cette initiative de Pôle emploi à destination du public illettré. Hier, les usagers de trois casalières du chef-lieu étaient au centre de réception de Sainte-Clotilde. Ils ont pu participer à un atelier autour du Vacois avec la conférence de dessous de table ou de bertel. Objectif, se projeter professionnellement malgré les difficultés. Evelyne Arlanda est responsable d'équipe au Pôle emploi de Sainte-Clotilde. On a des actions qu'on mène avec des demandeurs d'emploi qui vont suite au passage au niveau des cases à lire, qui vont ensuite aller faire une validation des acquis par l'expérience pour les métiers qu'ils ont pu faire, mais ils n'ont pas pu avoir un CAP par exemple. Et donc c'est le moment pour nous de les accompagner pour avoir un CAP. En général, ce sont des personnes qui préparent des métiers sur les espaces verts, le nettoyage des locaux. Il y en a donc qui vont aller aussi vers la petite enfance. Ces personnes-là peuvent aussi devenir leurs propres entrepreneurs. Donc il y a vraiment un accompagnement pour vraiment aussi créer de l'emploi, quoi. Evelyne Arlanda, responsable d'équipe au Pôle emploi, interrogée par Olivier de la Richaudie. Dans la zone à Mayotte, les autorités ont interpellé plusieurs jeunes hier avant de détruire des habitations illégales. Une opération dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Par ailleurs, 102 policiers et 42 gendarmes ont été envoyés en renfort à Mayotte. Et cela dans le cadre du plan sécurité, un plan en trois axes présenté hier et qui prévoit justement de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et contre la délinquance. Les précisions de Georges Pollange, la ministre des Outre-mer. Là, nous avons mis d'une manière globale et organisée la coopération nécessaire entre les services. Donc vous allez voir que nous avons à la fois des moyens renforcés, des moyens humains, puisque nous avons de plus en plus de forces de l'ordre, gendarmes ou policiers qui vont arriver à Mayotte, mais moyens matériels, puisque vous avez un renforcement des moyens, des radars, des vedettes qui vont participer à la lutte contre l'immigration clandestine. Donc si vous voulez, c'est une manière d'organiser et de coordonner des dispositions qui étaient un peu éparses. Et pour pouvoir suivre ce plan, eh bien, nous aurons une réunion régulière de l'état-major de sécurité qui associera toutes les autorités qui doivent participer à cela pour assurer la sécurité des Mahorais. Georges Pollangevin, ministre des Outre-mer, interrogé par William Cromwell. Le sac qu'il faut, c'est parti, enfin presque. Les premiers concerts commencent ce soir à 18h. Au programme notamment Lilywood on the Prick, les Casseurs Flotteurs ou encore Abdal Malik. Le sac qu'il faut, c'est sur Réunion Première tout ce week-end. Et puis la fête des Goyaviers démarre aussi aujourd'hui, la plaine des Palmistes, 28e édition cette année. Ça se passe sur le champ de foire du bassin Cadet. Cette année encore, le domaine des Tourelles s'associe à cette manifestation et demain, il proposera plusieurs ateliers. Lavina Joseph, la directrice du domaine des Tourelles. Samedi, nous avons 3 ateliers, 2 ateliers culinaires et un atelier de transformation sur la matière et sur les bijoux. Donc atelier pâtisserie, atelier cuisine et atelier bijoux de 10h à midi. Et la personne, bien sûr, réalise et repart avec sa réalisation. Ça fait intervenir des gens de la plaine ? Tout à fait. Donc on a des restaurateurs, on a table d'hôtes, un pâtissier, un artisan qui est installé à la plaine des Palmistes. Donc l'idée, c'est de faire connaître leur savoir-faire et aussi décliner donc, à la fois sur le côté culinaire, donc on connaît effectivement goyavier dans le sucré et le salé, et explique aussi qu'on peut décliner la thématique du goyavier, notamment sur, là on fait des bijoux, en association avec un petit peu de bois de goyavier. Lavina Joseph, directrice du domaine des Tourelles, au micro Réunion Première de Johan Adamadorassi. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Aujourd'hui, Julie Smul. Dans l'actualité ce matin, toujours les crues et les inondations dans le centre et l'Île-de-France. Depuis le début des intempéries, 20 000 personnes en tout ont été évacuées. 20 000, c'est aussi le nombre de foyers sans électricité toujours ce matin dans le Loiret et l'Île-de-France. La Seine-et-Marne est toujours en vigilance rouge. La Seine-et-Marne où un cavalier, un homme de 74 ans, est mort hier, emporté par les eaux. Et maintenant, l'inquiétude gagne la capitale, Paris, où le pic de crue de la Seine pourrait être atteint aujourd'hui en milieu de journée. La ligne C du RER a déjà été fermée. Elle ne rouvrira pas avant lundi. Les musées du Louvre et d'Orsay, eux aussi, vont rester fermés toute la journée. Le gouvernement se mobilise face à l'ampleur des dégâts. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé qu'il se rendra en Essonne cet après-midi. Et puis François Hollande, lui, assure que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu dès le Conseil des ministres de mercredi prochain pour les zones qui ont été les plus touchées par ces intempéries. Le pays fait face également à la grève dans les transports, grève à la SNCF reconduite pour aujourd'hui à l'appel de Sudrail et de la CGT. L'UNSA a décidé de sortir du mouvement hier après-midi. Pour aujourd'hui à la SNCF, on prévoit les mêmes perturbations qu'hier, c'est-à-dire à peu près la moitié des TER en circulation et puis 6 TGV sur 10. La colère contre la loi travail ne faiblit donc pas. Des manifestations ont eu lieu un peu partout hier en France. Manifestation qui a dérapé à Rennes. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées. La police les a chargées pour débloquer la rocade sur laquelle se trouvaient près de 400 manifestants. Plusieurs journalistes présents auraient aussi reçu des coups de matraque des forces de l'ordre. L'association locale de la presse a décidé de saisir le défenseur des droits. Une autre manifestation a dégénéré hier, celle devant un collège à Saint-Malo en Bretagne. 3 adolescents ont été blessés par des policiers. Avec des parents d'élèves et des profs, ils protestaient contre la fermeture annoncée de l'établissement. Le syndicat enseignant SNES FSU dénonce ce matin des violences policières. 3 femmes politiques, 3 victimes présumées du député écologiste Denis Baupin portent plainte contre lui. Une information révélée par nos confrères de France Inter. Sandrine Rousseau, Isabelle Attard et Hélène de Bost accusent Denis Baupin de harcèlement et d'agression sexuelle. L'affaire de la voiture de police brûlée à Paris, c'était le 18 mai dernier, avec la justice qui a décidé hier de maintenir 2 des suspects en liberté. Les 3 autres ont été placés ou bien maintenus en détention provisoire. On s'en doutait, c'est maintenant confirmé. Le chanteur américain Prince est mort suite à une surdose de médicaments, un analgésique narcotique exactement. Prince est mort le 21 avril dernier à l'âge de 57 ans. Le programme de Roland-Garros pour aujourd'hui avec les demi-finales et notamment Novak Djokovic qui affrontera le jeune Autrichien Dominic Thiem. Et puis chez les dames, Serena Williams, elle sera opposée à la Néerlandaise Kiki Bertens. La météo avec un temps qui va rester le plus souvent très nuageux aujourd'hui sur une majeure partie du pays. En clair, il n'y a que les régions au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon qui verront le soleil aujourd'hui. Les températures ce matin, elles sont toujours fraîches de 9 à 14 degrés. Cet après-midi, de 14 à 26 degrés, ce sera en Aquitaine. L'info revient à 6h30. Le journal de 6h30 sera présenté par Cécile Thomas dans 15 minutes sur la première. Les prévisions météo tout de suite. Avec de la pluie dans l'Est. Ce matin également dans le Nord, dans les Hauts. Et par intermittence, dans certains endroits, dans le sud. Ce matin, donc prudence sur la route, surtout si la chaussée est mouillée. Alors l'élément marquant de la journée reste quand même ce vent qui souffle, qui a soufflé toute la nuit. Aujourd'hui, les rafales vont atteindre les 80 km/h. Ça dit 40, mais non, mais c'est le double 80 km/h sur les côtes de Saint-Pierre, de Sainte-Marie, ainsi que dans les Hauts. Côté température, va falloir s'attendre à 25 à 26 degrés sur le littoral exposé au vent. 28 degrés sur les plages de l'ouest, ça va réchauffer un peu tout ça. Il fait bien frais ce matin encore. Et attention, puisque le vent rend la mer agitée. Prudence en bord de mer. Bienvenue à toutes les parties jusqu'à 8h. Jackie réveille la réunion. Avec Zot jusqu'à 8h et toute l'équipe de la matinale. Ensuite, ce sera Claude Montané pour vous accompagner dans Allo Première. Aujourd'hui, c'est vendredi 3 juin 2016. Bonne fête à Kevin. À 7h15, Philippe Dornier reçoit Paul Junot, c'est le secrétaire général de la CFTC Réunion, à l'origine de la plainte dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Donc interview à suivre en radio et sur internet dès 7h15. Juste avant le journal de 7h, les Marsadiens qui débarquent dans Radio Novella. Prisca nous emmènera au marché forain de Saint-André. Avant tout cela, eh bien, des nouvelles du trafic avec Yves Gruy. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Gruy, vous êtes sur les lieux d'un accident sur le boulevard Sud, bonjour. Oui, bonjour Jackie, bonjour à tous. Et oui, sur route mouillée, ça glisse, il y en a qui l'oublient. Et comme il pleut, attention, depuis quasiment Saint-Benoît, encore ce matin, et jusqu'à Saint-Denis, bon, il a pas mal plu cette nuit, enfin beaucoup plus à Saint-André, à Saint-Lazy, hein, semble-t-il. Mais donc attention, prudent sur toute cette région Est. Ah, c'est les branches qui commencent à craquer parce que en fait le véhicule est très mal placé pour ceux qui l'ont vu. Donc le véhicule qui a fait cette sortie de route circulait sur le boulevard Jean Jaurès, boulevard Sud, de l'Est vers l'Ouest. On est à la sortie du rond-point Laurie. Il y en a qui l'appellent le Pizza Uno parce qu'il y a une pizzeria dans le coin, mais c'est le rond-point Laurie, hein, son vrai nom ici. Et donc c'est une conductrice qui est allée alors mettre sa voiture sur les galets, donc une perte de contrôle et choquée, légèrement blessée, plus choquée. L'enfant, la fille est là, donc il n'y a pas trop de gravité. Mais alors, en train d'essayer d'enlever le véhicule, ce qui fait que le camion de remorquage est quand même sur une partie de la chaussée, la voie de droite. Vous passez pour le moment, il n'y a pas encore trop l'heure de pointe, donc ça se passe à peu près correctement. Le but est de sortir la voiture, de la soulever sur ses galets, et puis en essayant d'éviter de casser l'arbre. La circulation, donc attention également dans le sud, puisqu'il y a la présence de pompiers. Alors, je ne sais pas s'ils ont déjà quitté les lieux, mais ils ont fait un repérage. Un véhicule abandonné donc dans le fossé au niveau de la bretelle de sortie de Ralph Cabri, c'est-à-dire la bretelle de sortie à Mont-Caprice. Donc les pompiers sont partis faire du repérage, voir s'il y avait encore quelqu'un à bord ou si c'était un accident donc qui s'est produit, puis les personnes ont quitté les lieux dans la nuit. Alors prudence, alors là-bas, route sèche, hein, parce qu'il pleut surtout ces régions est et nord ce matin. Pas être terrible pour le petit tour à vélo, puisque ce sont les Marmailles et 6 écoles de Saint-Denis qui sont programmées aujourd'hui, donc plusieurs centaines d'élèves. Donc attention, alors si la pluie le permet, donc la météo, si elle est trop mauvaise, il n'y aura pas de sortie malheureusement pour tous ces jeunes. Voilà, et puis c'est le grand pèlerinage également des colimaçons au niveau du Sacré-Cœur, donc sur la route départementale 12, on en reparlera parce que la route sera fermée. Bonne partie de la journée, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Yves Gruyer pour l'inforoute à Saint-Denis. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et prudence à tout un, il y a accident sur le boulevard Sud déjà ce matin. C'est vrai que la chaussée est mouillée dans le secteur avec de la pluie. La pluie chasse bien avec beaucoup de vent. Donc ça se passe à la sortie du rond-point Laurie vers l'ouest. Yves Gruyer sera avec nous juste avant le journal de 6h30. Voilà, donc pour tous ces élèves, bon courage, hein, puisqu'avec tout ce vent, Yves Gruyer nous le disait, voilà, petit tour à vélo qui se fait à Saint-Denis, 6 écoles quand même, voilà, pensez quand même à prendre un petit pull au cas où, voilà, dans l'espoir que la manifestation se passe bien. Vous avez un téléphone, vous avez du crédit, et bien vous composez 99 2000, Réunion Première vous offre un bon cadeau d'une valeur de 20 euros, donc Réunion Première et les magasins partenaires pour des fruits et des légumes, c'est pour vous, vous appelez maintenant 99 2000. A tout de suite sur la Première. Première. ça qu'il faut. 13e édition avec Réunion Première du 3 au 5 juin. Ce samedi, retrouvé en direct à 16h, la rédaction avec leurs invités. À 18h, ça qu'il faut l'apéro, une émission radio et télé animée par Christelle Floricourt et Claudio. Et dès 19h, vibrez au son des concerts du ça qu'il faut avec Tias, Coldspec, Kingfisher, Kiltir et Ropopo Rose. Retrouvez ce samedi les concerts du ça qu'il faut 2016 avec toute l'équipe de Réunion Première. Retrouve les PPI au cœur du festival. Les PPI, c'est ça qu'il faut. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Avec Tom, on a toujours été amis depuis qu'on est petit. On est allé à l'école ensemble et on a toujours fait les pique-niques du dimanche. Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent au fourneau. Alors comme on trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0801 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Première. Bon réveil avec Réunion Première, 6h20, on accueille Estelle de Sainte-Clotilde. Bonjour Estelle. Bonjour. Oui bien Estelle. Ça va. Bien, bien, bien. Comment y annonce la journée là? Ah ben, il pleut. Ça travaille ou bien il reste à case? Oui, je vais travailler à 9h. À 9h, ça va, on a le temps de prendre un petit café. Voilà. Bien, et de jouer surtout sur Réunion Première. Oui. Vous écoutez à nous tous les jours? Oui, tous les jours. La fini, ça y est, appelé pour gagner le panier. Ah oui, plusieurs fois et c'est toujours occupé. Eh bien, ça y est, l'arrivée de tour. Il y a toujours des plus rapides, quoi. Voilà, exactement. Estelle. Oui. Donc, on repart avec un panier. Donc déjà, c'est un bon cadeau d'une valeur de 20 euros, offert par Réunion Première et les magasins Espace Fraîcheur. Merci. Merci à vous, Estelle. Bonne journée. Merci, Espace Fraîcheur. Merci, Réunion Première. Au revoir. Super. Au revoir, Estelle. Et puis en parlant de fraîcheur, nous serons ce matin en direct du marché forain de Saint-André avec Prisca. Retrouve les PPI au cœur du festival. Les PPI, c'est ça qu'il faut. Et pour l'instant, ça s'annonce avec un peu de vent. En tout cas, il y a beaucoup de vent à Saint-Pierre en ce moment, jusqu'à 80 km/h. On vous tient informé de l'évolution, de la météo tout au long de la journée. Et puis il y aura Yves Gruyer cet après-midi également pour l'ouverture du festival et toute l'équipe de la rédaction. Et chaque matin, Lucas la présente à nous une découverte, ça qu'il faut. Aujourd'hui, Loudoyon sur la première. Découverte, ça qu'il faut. Bonjour La Réunion, voici le dernier épisode des découvertes ça qu'il faut. Loudoyon. Loudoyon est une auteure, compositrice, interprète, actrice et mannequin. Elle est aussi la fille de Jane Birkin. Bien que la transition d'actrice à chanteuse est parfois périlleuse, en 2012, Loudoyon se lance et sort son premier album, Place, piloté par Étienne Dao, et celui-ci reçoit un très bon accueil du public. I wouldn't know where to start if you ever were to ask me if I ever came to say. So is this why? Loudoyon a de sacrés arguments à faire valoir, à commencer par son timbre de voix, éraillé, troublant, chaud. Pour le second épisode, Laylo, elle fait appel au Canadien Taylor Kirk, qui a tressé pour son organe rocailleux le cavenat idéal de blues revêche, de pop mélancolique et de soul incarné, tout simplement avec classe. Loudoyon, c'est ce soir à 20h sur la scène poudrière du ça qu'il faut. C'était la dernière découverte, et n'oubliez pas, le ça qu'il faut, ça démarre ce soir jusqu'au 5 juin, et à vivre bien évidemment avec Réunion Première. Oh. Never quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. Accuse me of standing guard, but wouldn't you, honey? You're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other, and I'm sorry if I if I disappoint you. So and I'll never know where to stand when all your nous doyons sur Réunion Première qui sera en concert ce soir à partir de 20h au Sakifo, le Sakifo avec Réunion Première. Retrouve l'effet pays au cœur du festival. L'effet pays, c'est ça qu'il faut. Et le ça qu'il faut, on en parle sur Réunion Première. D'ailleurs, cet après-midi, à partir de 16h, eh bien, vous irez à la rencontre de Mickaël Lorette et Isabelle Waraud qui seront sur place avec une émission spéciale le 15-18 cet après-midi. Donc, à partir de 16h sur Réunion Première. Et tout ce week-end, hein, tout ce week-end, l'équipe, déjà la rédaction, les animateurs également seront sur place. Si vous voulez suivre eh bien, le sac qu'il faut sur internet, Roddy Cox publiera des vidéos qu'il mettra sur le site internet de Réunion Première, voilà, sur le net, également en télévision, avec des émissions spéciales. Alors, émissions spéciales en radio, également en télévision, ce sera aux alentours de, alors ça commencera à partir de 18h, juste après un petit peu 18h, avec Claudio et Estelle Floricourt, donc qui vous donnent rendez-vous au sac qu'il faut également sur Réunion Première. On vous donnera également des informations pratiques concernant le parking pour se garer. Voilà, à Saint-Pierre, le parking, c'est le marché de gros en fait. Hein. Ensuite, il y a des navettes pour vous y accompagner jusqu'à la Ravine Blanche avec pas mal de vent. Voilà pour le Sakifo 2016. Encore une belle édition à suivre sur Réunion Première. Dans quelques instants, nous irons au marché forain avec Prisca, marché forain de Saint-André aujourd'hui. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Alors toujours du vent, Prisca, Saint-André. Le vent s'est calmé, Jackie. Par contre, il pleut. Mais ça n'empêche pas que les Saint-Andréens, Saint-Andréennes se sont bien réveillés ce matin pour faire leur marché. C'est incroyable, mais vrai. Mais il y a du monde hein, sur le marché forain de Saint-André. D'ailleurs, Jean-Luc, il est très occupé. Bonjour, Jean-Luc. Oui, oui, oui. Ah oui, bah oui, Jean-Luc est en train de rendre la monnaie. Hein. Excusez-nous, madame. Hein. Jean-Luc, comment il est? Bah ça va, ça malgré va le temps pluvieux, mais oui. Le moral est là. Voilà, vous êtes agriculteur dans le sud de la Réunion, du côté oui de Piton-Hyacinthe. Ça, c'est, oui, c'est ça, ouais, sur les hauteur du tampon, oui, c'est oui ça. Oui, oui. Et ce matin, sur la route, vous hésitiez, vous dites... Je vous fais demi-tour ou pas? Oui, voilà. Il tombait tellement fort à bras, ouais, ben, je ne vois pas dans le bas, ben, je ne voyais même pas la route. Ouais. Donc là, ça va, ça s'est calmé un peu. Ça s'est calmé, ouais, c'est bon. Vous avez pu ranger vos légumes, ouais, les clients sont là, tout va bien? Oui, oui, ça va bien. Nous allons présenter... Vous, malgré la pluie. Ouais. Nous allons présenter à La Réunion cette variété de bread. Jackie, je vous présente Tom Pouce. Vous connaissez ça? Est-ce qu'il est avec nous, Jackie? Je ne sais pas si on est encore en direct, là. Oui, on est là, Prisca. On est toujours en direct, excusez-nous, parce qu'on n'entendait plus rien. Donc, Tom Pouce, c'est une variété de bread. Oui, qui est très court et qui c'est très bon pour manger avec du riz, de la viande, quoi. D'où son nom, Tom Pouce. Voilà. En fait, c'est un peu comme le bread chicken. Voilà, c'est ça, et ça rentre très peu d'eau, quoi, voilà. Oui, c'est beaucoup plus petit. C'est pour la cuisson, ça se passe pareil. Beaucoup meilleur. Ah oui, voilà. C'est plus goûteux. Oui. C'est plus goûteux. Écoutez, on va essayer de goûter ça. En tout cas, ça coûte 1 euro ce bread Tom Pouce. Et Jean-Luc, il a aussi ramené des choux-fleurs puisque c'est la saison en ce moment. Par contre, il y a un gros souci concernant les courgettes. Hein. Ah oui, les courgettes avec le froid qu'il fait, puis la bouche des fruits qui attaque. Oui. Donc c'est hors de prix. Donc vous aurez du mal à trouver des courgettes, ou si vous allez en trouver, ça va coûter très cher. Par contre, c'est le début de saison pour les mange-tout, ouais, les haricots mange-tout, ça les ouais bon, ça en chauffe. Oh. Ça c'est très bon. Ouais. Et vous vendez ça à la barquette, ça coûte 1,50€, et il y a aussi du radis, et puis oui, c'est quoi comme variété de salade que vous la avez là-bas? La citrine. Ouais. Ouais, quel goût ça a par rapport à la Batavia, par exemple. Très bonne, avec ouais une salade comme ça pour deux personnes, ça fait un volume énorme. Bon, allez, à déguster avec Réunion Première, hein, les produits pays, les produits frais. Et dans le panier garni tout à l'heure, je suis sûre que Jean-Luc va rajouter un paquet de bread Tom Pouce. Et d'ailleurs, le mot de passe hein, pour décrocher votre panier tout à l'heure entre 9h50 et 10h30, c'est Tom Pouce avec Réunion Première. Rendez-vous tout à l'heure. À 9h50, merci Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Dans 2 minutes, le journal de la rédaction, présenté par Cécile Thomas, avant cela des nouvelles du trafic. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Gruyer, avons-nous des nouvelles de cet accident sur le boulevard Sud ? Oui, ça y est, c'est en train de se terminer là en ce moment. Hein. Donc on a personne, donc la conductrice. Alors on n'arrive pas trop à comprendre comment elle a fait donc sa manœuvre, parce qu'elle arrivait elle arrivait bien dans le sens Sainte-Marie-Saint-Denis. Mais elle s'est retrouvée sur des galets comme si elle partait vers l'ouest. Donc c'est assez étonnant. Elle a dû faire le rond-point parce qu'on voit pas trop comment elle aurait pu traverser le terre-plein et puis se retrouver vraiment à contre-sens sur les galets. Donc il n'y a pas vraiment de traces. Donc c'est assez étonnant quand même comme manœuvre. Juste dit qu'il y avait sa roue qui tournait plus. Voilà, donc un problème de direction semble-t-il, mais sous la pluie. En ce qui concerne, donc voilà, c'est en train de se terminer. On va éviter de coincer cette partie du boulevard Sud. Donc je rappelle sur le secteur rue Laurie, en bas de l'avenue Georges Brassens, avant de rejoindre le rond-point Futura, où s'est produit cet accident vers 5h30. Donc il y a un camion poubelle qui a perdu une partie de son chargement, ça se passe sur la route du Littoral vers la Grande Chaloupe. Attention, vous qui circulez donc dans ce secteur, sur la route du Littoral. On a une information où il y aurait donc un pigeon sur la route digue, mais ça c'est à vérifier dans une zone où il y a quand même un gros trafic. Donc là je vais vérifier cette information. Circulation a toujours ralenti en haut du viaduc sous la tranchée de cette route du Tamarin, donc avant d'arriver sur le viaduc de Saint-Paul, et continuez votre route. Voilà, un temps de Roland-Garros, c'est ce que nous avons en ce moment. C'était les infos routes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Eh ben, salut à tous les amateurs de tennis qui écoutent Réunion Première ce matin. Et si vous avez des précisions concernant cette collision sur la route digue, 02 62 99 2000. Il est 6h30 si vous écoutez Réunion Première. Le journal de la rédaction présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Retour ce matin sur les condamnations de Nassima Dindar, Bachil Vali et Jean-Jacques Vlodi dans l'affaire du foyer de Terre Rouge, reconnus coupables d'avoir participé à favoriser l'embauche de partisans politiques. Un coup de pouce financier pour les éleveurs de la Réunion. Ils ont du mal à joindre les deux bouts en attendant le versement de subventions. Une aide d'urgence a été débloquée hier. Explication dans ce journal. Quelle ville pour demain ? À quoi ressemblera la Réunion ? Dans quelle ville habiterons-nous ? Un aperçu dans le livre blanc de la ville durable réunionnaise, ouvrage présenté hier. Olivier Delaréchaudy nous en dira plus. Et puis un avant-goût du Sakifo, concert privé en prison pour les détenus de Domingo, c'était hier. Reportage à la fin de cette édition. Réunion Première, Cécile Thomas. Des élus sous le choc à l'annonce du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre hier dans l'affaire du foyer de Terre Rouge, Nassima Dindar écope d'une peine de 3 ans d'inéligibilité, 30 000 euros d'amende et 8 mois de prison avec sursis. Le tribunal a estimé que la présidente du conseil départemental avait bien favorisé l'embauche de plusieurs salariés au foyer de Terre Rouge des personnes de son bord politique. Bachil Vali, le maire de l'entre-deux, lui a été condamné à payer 10 000 euros d'amende. Il est inéligible durant un an. Pour le député Jean-Jacques Vlodi, c'est 18 mois d'inéligibilité et 30 000 euros d'amende. Dans cette affaire, il y a aussi deux autres prévenus. Michel Soukramanien, membre du cabinet de Nassima Dindar, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et Yvon Bello, ancien conseiller général, qui a été relaxé. Les élus ont, dès l'annonce du jugement, décidé de faire appel. Le clientélisme, la gestion très politisée des contrats de travail dans les institutions et collectivités publiques, voici ce qui se trouvait au cœur de ce procès, des pratiques très courantes. Damien Deschamps, maître de conférences en sciences politiques et responsable du collège de droit à l'Université de La Réunion. D'un côté, vous avez un discours qui explique que c'est un amortisseur social. Tout le monde sait aussi que c'est une manière de se gagner des voix pour les élections, que c'est une gestion très politique. Mais ça va au-delà de ça. On le voit à l'occasion de l'affaire du foyer Terre Rouge, quand les élus se sont quand même défaussés sur les cadres administratifs de choix qu'ils avaient faits. Vous pensez que ça fait une ambiance saine au sein de ces institutions et que ça permet un climat de travail apaisé ? Mais on le voit aussi avec le service départemental d'incendie et de secours, où la gestion est victime des interférences politiques, avec une ambiance qui est épouvantable. Est-ce que ça peut durer comme ça éternellement ? En tout cas, pour la Réunion, pour son développement économique et social, je pense qu'à un moment, c'est des questions qu'il faudra se poser. Damien Deschamps, interrogé par Antoine Garnier. On reviendra sur le jugement de cette affaire du foyer de Terre Rouge avec notre invité ce matin. Philippe Dornier recevra Paul Junot, président de l'ACFTC Réunion, à l'origine de la plainte dans cette affaire. Rendez-vous dès 7h15 sur Réunion Première Radio et Internet. En bref, le gourou présumé, Papa Sané, était lui aussi jugé hier à Saint-Pierre. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme. À sa sortie, il devra quitter la Réunion. Il a écopé hier d'une interdiction de séjour de 3 ans à la Réunion. Un plan sécurité pour Mayotte. Bernard Cazeneuve et Georges Pollangevin en ont annoncé les modalités hier. 102 policiers, 42 gendarmes de plus et l'implantation d'une unité du GIPN. Ce sont donc les nouveaux moyens d'intervention annoncés hier par la ministre de l'Outre-mer et le ministre de l'Intérieur. La situation à Mayotte, on y revient dans notre édition de 7h. Un plan d'urgence pour les éleveurs de La Réunion, une aide en attendant les subventions qui existent mais qui tardent à être versées aux exploitants. Les vaches, elles, n'attendent pas, elles ont besoin d'être nourries et soignées. Le risque pour ces éleveurs, c'est de négliger leur gagne-pain. La Chambre d'agriculture et le ministère ont donc décidé de débloquer une aide financière d'urgence mais aussi de réactiver le fonds d'aide de 150 000 euros non utilisé l'an passé. Le reportage de Bruce Réjean. Depuis 15 ans, on travaille. Et aujourd'hui, quand on se trouve avec un petit souci de trésorerie, enfin, pas grand-chose, il ne manquait pas grand-chose pour nous relever. Et ils vont nous fermer la porte dessus. La peur de Jean-Louis Derveillé, c'est d'être pris dans un cercle vicieux. Quand les subventions tardent, cet éleveur laitier de la plaine des Cafres en pâtit, c'est bête. Voilà, aussi. On n'élève pas nos animaux comme qu'il faut. On essaye de faire des économies. Et en faisant des économies, c'est là que notre exploitation périt. Pour éviter ça, la Chambre d'agriculture va donc amener son soutien logistique. Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre verte. Souvent, les agriculteurs ne savent pas comment faire vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de la sécurité sociale, vis-à-vis des fournisseurs, que ce soit l'UECOPA ou les coopératives d'APRO. Bah, ils risquent de nous faire une rupture au niveau de l'alimentation en bétail, même la banque aussi déjà, des mises en demeure, tout ce qui s'ensuit. Et justement étaler toutes les dettes qu'ils ont. Principal responsable, les aides européennes qui se font trop attendre, le DAF, le directeur de l'agriculture, donc Philippe Simon en est bien conscient. Il y a des agriculteurs qui vont pouvoir passer le cap, mais les plus fragilisés ont besoin d'un coup de main. Donc le gouvernement a décidé de mettre en place des aides à la trésorerie, exploitation par exploitation. Attention, ce ne sera pas un chèque en plus, mais par exemple la prise en charge des intérêts, des éventuelles échéances reportées. Et l'État ajoute surtout une promesse, il sera garant auprès des banques que les subventions finiront bien par arriver. Bruce Réjean. Combattre l'illettrisme et accéder à l'emploi, pas facile de trouver un job en temps ordinaire. C'est bien sûr encore plus difficile quand la lecture et l'écriture ne vont pas de soi. Pôle emploi menait une action hier matin avec les habitués des cases à lire de Sainte-Clotilde. Pas de livres ou de stylos au programme du tressage de Vacoa et la confection de dessous de table ou de bertelles. Pour Gaëlle Catherine, responsable de la case à lire du Chaudron, ce genre d'initiative permet à celui qui est en difficulté de trouver une application concrète et de progresser. L'illettrisme et l'artisanat sont complémentaires dans le sens où nous allons utiliser toutes nos activités pour pouvoir travailler les compétences fonctionnelles et de manière transversale autour du lire, écrire et du compter. Par exemple, faire une affiche en papier mâché et écrire sur cette affiche le projet Synergie avec Pôle emploi. Pour l'usager, c'est plus facile, ça rend l'apprentissage plus facile. Oui, parce que du coup, on ne pointe pas comme à l'école, on va écrire une lettre, on va écrire quelque chose. Là, on rend l'activité support, va lui montrer qu'on a besoin de faire appel à ses compétences du lire, écrire et compter pour justement mener à bien son activité, mais qui peut être aussi transposée à écrire un courrier demain ou à faire une démarche administrative. Gaëlle Catherine répondait à Olivier de la Richaudie. À quoi ressemblera la ville de demain? C'est le profil des villes et de la Réunion du futur qui est dressé dans le livre blanc de la ville durable. Le document a été présenté hier par le préfet, ce qu'il faut en retenir avec Olivier de la Richaudie. On voit ça tout de suite, issu d'une réflexion entre les services de l'État et les collectivités locales. Le document définit une stratégie globale de construction pour les décennies à venir face à la pression démographique et à la taille de notre territoire. Ce livre blanc jette les bases d'une nouvelle politique d'aménagement du territoire. Non, les cases à terre ne vont pas disparaître dans les prochaines décennies. Elles seront juste moins nombreuses et davantage intégrées dans des zones d'habitat collectif. Maisons individuelles et logements de 2 à 3 étages maximum pourraient alterner dans les quartiers, le tout dans un espace resserré. Il serait alors de plus en plus difficile de profiter d'une cour privée de 500 mètres carrés. Pour loger le million de Réunionnais attendus en 2030, toutes les zones en friche des villes devront être exploitées. Pour combattre le sentiment d'étouffement, la ville devra offrir services et loisirs diversifiés à ses habitants, le tout à proximité. L'idéal étant de déposer ses enfants à l'école ou au parc en 2 minutes, après être passé à la boulangerie en bas de chez soi. Autre défi pour cette ville nouvelle, la prise en compte de la mixité sociale, mais aussi de la diversification des modes de déplacement. Premier rendez-vous avec cette ville du futur 2030 et l'écocité de Cambé, une agglomération qui promet d'accueillir 70 000 habitants et 50 000 emplois. Olivier Delarichaudy, on continue avec le développement durable côté énergie. Avec une inquiétude, la suspension du projet de SWAC à La Réunion. Il s'agit d'un projet de climatisation à l'eau de mer qui était soutenu par l'ADEME. Il devait être expérimenté à Saint-Denis, mais rien n'a été lancé. C'est une déception pour le président de l'ADEME, Bruno Légevin, interrogé à Paris. Le projet énergie thermique des mers à La Réunion, je l'avais vu, j'étais plein d'enthousiasme, ça se fait pas, j'espère que c'est pas une décision totalement définitive. Le bouclage économique n'a pas eu lieu, notamment par rapport aux contraintes et aux tarifs retenus par la commission de régulation de l'énergie. Je pense que c'est que le début d'une histoire. Il faut que l'ensemble des acteurs se mettent là aussi dans la perspective d'une évolution du modèle énergétique et de considérer que peut-être la rentabilité instantanée n'est pas forcément rendez-vous, mais ce qui est important, c'est la perspective, la trajectoire de baisse des coûts. Sauf que pour y arriver, eh ben, il faut prendre des risques pour derrière faire émerger des filières et avoir des effets volumes qui feront baisser les coûts. Le président de l'ADEME, Bruno Légevin, interrogé par Sébastien Letard. Le Ça qu'il faut 2016 démarre ce soir. Le site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre accueillera dès 16h ses premiers festivaliers, dès 18h ses premiers concerts. Hier, les détenus du centre pénitentiaire de Domingueau ont eu droit à une avant-première du Ça qu'il faut. The Soil, le trio vocal sud-africain qui sera en concert ce soir sur la scène australe, est venu leur rendre visite. Reportage Daniel D'Ambreville. Dans l'immense salle des festivités, face à la scène, une soixantaine de détenus, hommes, femmes et mineurs, bien séparés mais sagement assis sur les chaises alignées. Les consignes imposent l'immobilité, mais très vite, les jambes, les bras, la tête s'agitent. Ah, ce groupe africain est super, exceptionnel, c'est super. Vaut mieux rester dans la cellule, on amuse un peu. C'est très bien, ça change des idées un petit peu. Ça permet de s'évader un peu. C'est un échange, ils sont venus partager leur culture, leur musique, et puis ça prend le trip. Le trio sud-africain, lui aussi, est ravi. The Soy chante régulièrement dans les prisons de Soweto. Alors quand les organisateurs du Ça qu'il faut leur ont proposé ce concert, ils n'ont pas hésité. Zika, le compositeur. Ça ne change rien d'être en prison ou pas. On doit toujours continuer à écouter de la musique. La musique n'a pas de limite, elle n'a pas de couleur. Les gens font des erreurs, mais tout le temps. Et ce n'est pas une raison pour les priver de musique. C'est aussi ce que revendique Geneviève Grondin, la coordinatrice culturelle du centre pénitentiaire. La prison prive de liberté, mais pas du reste. C'est permettre l'accès à la culture et faire le lien entre ce qui se passe à l'extérieur et le dedans. Donc c'est de permettre aux personnes détenues d'avoir eux aussi accès à ce festival. Et le Ça qu'il faut en prison, première édition, a trouvé son public. Big up, hein ? Ah ouais, c'est super ! Le Ça qu'il faut 2016, coup d'envoi ce soir à Ravine Blanche. L'info revient à 7h. C'est l'heure de la chronique éco préparée par Sébastien Letard. C'est l'une des énergies renouvelables qui était jusqu'ici très peu envisagée outre-mer. Les hydroliennes, des hélices immergées qui exploitent l'énergie des courants marins. Mais ces derniers mois, des ingénieurs ont mis au point des hydroliennes plus performantes et plus petites. Elles pourraient notamment permettre de fournir de l'électricité sur certains sites isolés d'outre-mer, parfois même situés très loin de la mer, Sébastien. Il existe pour l'instant 2 grands projets d'hydroliennes en France, dans le Raz Blanchard, dans la Manche et dans le passage du Fromveur en Bretagne. 2 prototypes de ces hydroliennes géantes viennent d'ailleurs d'être immergés. Outre-mer, de tels gisements ne sont pas présents, mais le potentiel existe néanmoins, notamment dans des lieux isolés comme les atolls polynésiens. Cyril Giry est directeur scientifique au cabinet d'ingénierie Énergie de la Lune. Sur la Polynésie française, au niveau de l'hydrolien, lors d'une étude réalisée pour le service des énergies de Polynésie française, nous avons caractérisé la ressource disponible dans des passes d'atoll dans l'archipel des Tuamotu et à notre grande surprise, nous avons découvert un gisement très important, une ressource de proximité que les riverains peuvent utiliser pour substituer aux groupes électrogènes et aux fuel qu'ils utilisent pour faire tourner les groupes et avoir de l'électricité. Ça pourrait suffire à alimenter les atolls à terme ? Suffire à alimenter tous les atolls, c'est difficile à dire. On peut substituer une certaine quantité de fuel de par moitié. voire un peu plus. L'étude est en cours, donc je ne peux pas donner trop de chiffres sur cette thématique-là. Une dizaine à une vingtaine de passes ont été identifiées, là où l'installation d'hydroliennes ne rentrerait pas en conflit avec les pêcheurs ou les plongeurs, par exemple. Autre lieu isolé où l'énergie hydrolienne pourrait apporter une solution, pourtant bien loin de la mer, les fleuves de Guyane. Encore une fois, on est sur des sites petite échelle, on est sur quelques centaines de kilowatts. On n'est pas sur des mégawatts, mais ça pourrait substituer aux besoins de locaux sur des sites isolés. On parle de technologies qui sont essentiellement flottantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un transport sédimentaire qui se fait au fond de la rivière avec du sable, des galets et autres. Et la ressource, donc au niveau du courant, le courant est beaucoup plus fort à proximité de la surface qu'au fond. Mais comme la plupart des solutions d'énergie renouvelable, les hydroliennes ne sont pas duplicables partout. À Mayotte, Énergie de la Lune a effectué les mêmes études sur les courants, mais le potentiel ne semble pas assez important. L'énergie thermique des mers pourrait en revanche être largement développée. L'économie, Sébastien Letard sur Réunion Première. Les prévisions météo avant de prendre des nouvelles de cet accident, cette collision sur la route Digue avec Yves Gruyé. Le vent, toujours l'élément marquant de la journée, 80 km/h sur Saint-Pierre, également à Sainte-Marie et dans les Hauts. Ça souffle fort encore aujourd'hui et côté ciel, après un temps plutôt humide et pluvieux de cette nuit, on va retrouver quelques éclaircies entre Saint-Denis et Saint-Joseph dans le cours de la matinée. Cet après-midi, le ciel est plutôt variable et attention, puisque la mer est agitée en ce vendredi. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'information routière avec vous, Yves Gruyé. Gros bouchon sur la route Digue en ce moment. Oui, enfin avant, surtout la route Digue. Ça démarre à partir de l'entrée du tunnel du Cap Laoussé. Malheureusement, pour cet accident qui s'était produit dans le bouchon. Il est à hauteur du panneau à message variable qui se situe à peu près... presque au milieu de la route Digue, avec les deux voitures immobilisées sur la voie de gauche. Les camions de remorquage sont sur place en train d'évacuer les véhicules, malheureusement, donc avec une seule voie de circulation et pas trop loin de l'échangeur de Belmed, ça a du mal à passer, forcément. Grosse galère, malheureusement, pour ce vendredi. On aurait pu avoir un vendredi tranquille, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc soyez patients si vous arrivez de la route des Tamarins. Et forcément, ça va avoir des conséquences... et rapidement dans les rampes de Plateau Caillou et très certainement également sur le littoral entre Saint-Gilles et Saint-Paul qui vont se gonfler très rapidement, ces deux axes parallèles. En ce qui concerne les autres événements qui s'étaient produits, vous avez fait passer le message, donc ce camion poubelle qui avait perdu en fait deux poubelles sur le secteur de la Grande Chaloupe en direction de Saint-Denis également. Il y a un fourgon qui s'était pris donc cette poubelle, il a pu repartir. Et puis on a enlevé ces poubelles, donc il n'y a plus d'obstacles sur la chaussée. L'accident sur le boulevard sud est également terminé, donc pas de contraintes au niveau du rond-point à Lory. Une circulation qui se fait à peu près correctement d'ailleurs un peu partout aux entrées de Saint-Denis, ça roule plutôt correctement, mais avec route mouillée ce matin, donc de la pluie qui a atteint donc Saint-Denis depuis hier soir. Là, c'est en train de se dégager. Donc, les jeunes du petit tour à vélo et des écoles de Saint-Denis vont peut-être retrouver le sourire pour pouvoir participer à cette journée qui vont les emmener vers Bois-Madame tout à l'heure. Bonne route avec la première et patience dans l'ouest. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Du 2 mai au 5 juin, vivez le Sac Info 2016 sur Réunion Première. Avec les découvertes du Sac Info, les émissions en direct, le risopé du dimanche matin et les retransmissions de concerts. Le Sac Info sur Réunion Première. Retrouve les FPI au cœur du festival. Les FPI, c'est Sac Info. Du 3 au 5 juin, le Goyavier se fête en famille à la Plaine des Palmistes. Rencontrez les acteurs de la filière et faites le plein de fraîcheur. Chaque jour, spectacles et concerts gratuits vous attendent. La fête des Goyaviers, un festival de saveurs. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci Sophia. Ôté, allons bouger ensemble. Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel, destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Du 30 mai au 5 juin, c'est la semaine européenne du développement durable. À pied, à vélo, en covoiturage et en bus, avec la carte Réunipass, valable sur tous les réseaux de transport. Retrouvez-nous chaque jour dans une gare, animation, jeux et lot à gagner. Le dimanche 5 juin, animation à Saint-Louis. Allons bouger autrement avec le syndicat mixte de transport de La Réunion. Canette. Gariguette. Bicyclette. Banquette. Basket. Diabète. Vérifiez où vous en êtes. Du 3 au 10 juin, à l'occasion de la Semaine nationale de prévention du diabète, faites le test sur www.contrelediabete.fr. Première. Alors on s'intéresse maintenant à la presse écrite sur Réunion Première avec Cécile Thomas. Nassima Dindar, touchée et affectée en une du quotidien ce matin, la présidente du conseil départemental a été condamnée à l'inéligibilité, tout comme Jean-Jacques Vlody, que l'on voit derrière elle sur la photo de une, condamnée dans l'affaire dite du foyer de Terre Rouge. Autre titre, dérive sectaire à Saint-Louis, Papa Sané interdit de séjour pendant 3 ans. Conseil d'État vers une confirmation de l'élection régionale, lycée hôtelier, trop d'élèves abandonnent, Marie-Alice Sinaman, femme d'auvent, et gymnastique, Loan ira aux JO et puis chasse aux étrangers, des renforts policiers à Mayotte. Trois visages en une journal de Lille. Ceux de Bachil Vali, Nassima Dindar et Jean-Jacques Vlody, embauche politique, inéligible et après, demande le GIR, après leur lourde condamnation dans l'affaire du foyer de Terre Rouge, les trois élus vont faire appel, mais leur carrière politique sera forcément impactée, écrit le GIR. Autre titre à Saint-André, la fausse islamiste menaçait de décapiter les homosexuels. En métropole, des réunionnais au cœur des inondations, à Mayotte, les entreprises réunionnaises dans la tourmente, et puis si on sortait, ça qu'il faut, Misty et les autres. Dans la presse nationale, les inondations en métropole en une d'aujourd'hui en France. La France patauge, la grande crue qui s'installe en Île-de-France et dans la région centre. On voit en photo l'autoroute A10 près d'Orléans, totalement sous les eaux. Ajoutée aux perturbations sociales à la SNCF, bouleverse la vie du pays, écrit le journal. Autre titre, exclusif, le président du PSG promet de gros changements. Et puis escroquerie, des chevaux promis à la retraite, détournés vers l'abattoir. Les inondations sont également une du Figaro. Avec l'image de personnes qui rament dans un zodiaque au milieu d'une rue, une partie de la France noyée sous des crues historiques, alors que le pic de crue est attendu aujourd'hui à Paris. La Seine-et-Marne restait hier soir en alerte rouge. L'état de catastrophe naturelle va être reconnu dès mercredi prochain, annoncé François Hollande. Autre titre, génocide arménien, crise diplomatique entre Berlin et Ankara. Des pompiers qui rament en ville en une du journal Le Monde. Et oui, inquiétude autour des crues records. Le centre de Nemours a été évacué. La situation dans les 8 départements d'Île-de-France est critique. Aujourd'hui, le niveau de la Seine à Paris pourrait dépasser 5,60 m, seuil de déclenchement du plan Neptune. Autre titre, la France va perdre un médecin généraliste sur 4 en 20 ans. Le nombre de généralistes a diminué de 8,4% entre 2007 et 2016, a constaté l'Ordre national des médecins. Cette chute inexorable et préoccupante va se traduire par la perte d'un praticien sur 4 entre 2007 et 2025. Encore de l'eau en une de Libération. C'est le sauf qui peut, écrit Libé, en une des milliers de personnes évacuées, des quartiers entiers submergés, reportage dans la vallée du Loing en crue, alors que Paris s'y prépare. Autre titre, au PCF, le cas Mélenchon embarrasse, Canal+, l'hémorragie sans fin, après Grégoire Margoton ou Yann Barthès. La présentatrice du Grand Journal, Maïté Nabir-Aben, a annoncé qu'elle ne reprendrait pas son poste à la rentrée. Et puis en NBA, le feu d'artifice vu par Batum, le basketteur international français des Charlotte Hornets tire le bilan d'une saison 2015-2016 et bourrifante, nous dit Libé. Le mal-aimé en titre l'équipe ce matin, Cécile. Vous auriez peut-être pu le chanter même. C'est un footballeur, ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas un joueur exclu des Bleus pour l'Euro. Le mal-aimé, c'est Olivier Giroud. Dans un entretien à l'équipe, il réagit aux critiques dont il fait l'objet alors qu'il devrait être l'avant-centre titulaire des Bleus pendant l'Euro. Foot toujours au PSG, Laurent Blanc en danger, se demande le journal. Et puis en tennis, à Roland-Garros, pluie de demi-finale aujourd'hui, avec ou sans la pluie, suspense. Cécile Thomas pour les titres de la presse écrite locale et nationale sur la première, l'arrivée du Quintet. dans l'ordre, le 8, le 6, le 7, le 4, le 11. Le numéro plus, c'est le 23-85. Alors, c'est l'hippodrome de Vincennes qui accueille la course ce soir à 21h47. Montant de la tirelire, 4 650 000 euros. Pascal Maillot vous conseille de miser sur le 6, le 16, le 13. La suite de son pronostic, le 11, le 15, l'As, le 5, le 8. Et en cas de non partant, miser sur le 4. Voilà pour les pronostics de Pascal Maillot, ceux du fouineur du Gire, le 16, le 6, le 5, le 15, le 8, le 13, l'As et le 4. Pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Allez, un petit tour dans les hauteurs de Saint-Denis, on se détend avec du rire, avec Radio Novella sur Réunion Première. Et attention, il y a les Marsadiens qui débarquent. Précédemment dans votre Radio Novella, une soucoupe volante avait atterri dans la cour de la petite maison franciscaine. Et un extraterrestre au nom de Kout Tabada en est sorti pour, selon ses affirmations, emmener Gougout, Karpaï, Mamadou et Rakoto avec lui sur sa planète, située dans la galaxie de Mars tout seul, la planète Marsadé. Très surpris par cette requête, notre bande de Dallons tente de comprendre les raisons qui pousseraient ce Marsadien de les embarquer dans son vaisseau. Tabaltec, c'est quoi ton prénom ? Mon prénom est Kout Tabada. Kout Tabada ? Et votre nom de famille, c'est qui ? Gel. Kout Tabada, Gel. Pourquoi mon nom vous fait-il rire ? Mais parce que la réunion Kout Tabada, qu'elle veut dire une autre affaire. Oui, mais c'est Kout Tabada. Pourquoi vous amenez à nous des sous-planètes ? Tout ça de monde n'a des chilatés à la yin, qu'à nous la trouver, qui ? Nous n'a de miel que ça. Ce sont les ordres de notre doyen. Je dois vous ramener avec moi sur Marsadé. Doyen, doyen. C'est quoi ? C'est le chef qui ? Le doyen est juste le doyen. Nous n'avons pas de chef. La notion de supériorité n'existe pas sur notre planète. Nous sommes tous égaux. L'argent n'existe pas. Nous partageons nos ressources naturelles équitablement avec tout notre peuple. Nous vivons en totale harmonie. La guerre n'existe pas. What a wonderful world. Ben, elle est bien jolie, mais en attendant, là, dis pas nous pourquoi vous venez chez nous. Ce sont les ordres de notre doyen. Ouais, ouais, ouais, doyen, doyen. Mais qui s'est dit pas nous, tu sens un nous, quand tu arrives, on est en bas. Ben oui. Ah, oui. Ah bon. Ah, ben oui. Ah, oui. Ah, ben oui. Ouais. Non. Voilà. Nous ne vous ferons aucun mal. Nous sommes un peuple pacifique. Ah bon. Et si nous viens pas. Nous ferons exploser votre planète. Pacifique, pacifique. Mais pacifique quand il y a 11 agents torturés. Vous avez deux solutions. Me suivre ou mourir avec tous les habitants de votre planète. Bon, bah écoutez, les gars, moi, personnellement, ça me dérange pas. J'ai jamais vu là-bas commencer là sur Marsadé, là. Eh ben moi aussi, je suis d'accord avec Rakoto. Moi, je vais aller parce que moi, je vais pas mourir. Parce que quand j'ai mouru, je suis pas vivant. Mais arrête quand je prie, mon figure, comment avec ton galipi, là. T'es ok. T'es, les gars, arrêtez. Mais quoi, ça, allez, ça. J'ai déjà fait devant mon figure. Ben. Eh, brosse ton dent, non. T'es, ben, en parlant, brosse le dent. Et, mais j'écoute Tabada. Il faut nous préparer notre bonne affaire, non ? Notre brosse à dents, une serviette, c'est pas qu'un pélinge aussi, non ? Vous n'avez besoin de rien, tout vous sera fourni sur place. Qu'est-ce que ça fait ? Pas que j'amène rien ? Eh ben, nous pouvons s'amener un pack à bière. Tout ce dont vous avez besoin vous sera fourni sur place. Ah bon, ben j'aime dans la bière aussi alors. Eh, monsieur le monstre, est-ce que je peux amener mon guitare ? Tout vous sera fourni sur place, vous n'avez besoin de rien. Ah ouais ? On dit de la toute affaire là, là. Eh, Kaïté, Kaïté. Mon carotte, sacopate, pouffe et pète ou tête. Ah, bon. Comment il est où ? Merveilleux, mon ami. Problème, là ? Mais gâche la cuisson, quand t'es monté, t'as dit, à cause le mal, les rôles pour barrer, frère. Pas tout cher, man. Quand c'est un yéo, la frère, t'es bien barré tout de suite, coucou, t'as l'eau. Bon, ben, si n'as pas besoin de rien, ben allons. Et par contre, on la dépose pas nous trop tard, hein. Notre doyen sera ravi de vous rencontrer. Et encore une petite affaire avant nous, ça va ? Si à où appelle Kout Tabada ? Le doyen, comment il appelle ? Son prénom est. Coup de pied d'homme. Coup de pied d'homme. Son nom de famille est. Non, il est bon, m'a compris. Allez, on barre. You got to get it out to me. Hey, hey. I'm sweet on mercy, mercy, please. Hey, hey. Just like they say in the song. Hey. Until the dawn, let's hey. Mom and gang get it on. Ooh. Radio Novella sur Réunion Première à retrouver à 10h20 ce matin, également en podcast sur le site internet de Réunion Première. C'est très compliqué, hein. Sur la route, on va tout de suite rejoindre Yves Gruyer pour le trafic. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et est-ce qu'on peut parler d'un vendredi noir, Yves Gruyer? Oui, pour l'ouest, il y a déjà un kilomètre de bouchon avant le tunnel du Cap Laoussé. Et si je vous dis que les véhicules sont repartis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont fait juste une touchette, ils n'ont pas eu besoin de camion de remorquage et ils se sont contentés de faire leur constat sur la voie de gauche, ça va en énerver quelques-uns, hein, forcément. Merci monsieur et madame. Enfin, je sais pas qui c'était, hein, si c'était monsieur ou madame. Enfin bref, voilà, c'est... Si vous avez la possibilité de bouger vos voitures, mettez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence, hein, et vous faites le constat au moins hors chaussée, même si de toute façon, après sur la route digue, deux véhicules qui sont arrêtés avec deux personnes debout en train d'écrire, forcément ça crée aussi une curiosité. Mais néanmoins, là il y a des camions de remorquage qui sont venus pour rien, donc on a immobilisé une voie gauche en courant de façon supplémentaire. Les véhicules sont repartis, c'est la seule bonne nouvelle pour cette partie ouest. Avec ce gros bouchon, donc un kilomètre avant le tunnel donc du Cap Laoussé, c'est-à-dire dans la courbe de la descente de l'ouvrage de la savane, un peu après l'échangeur de l'éperon. Hein, voilà, donc toute cette partie bien coincée sur la fin de la route des Tamarins, mais ça va compliquer également, je le disais, sur le littoral ouest entre Saint-Gilles et Saint-Paul, rapidement également vers les rampes de Plateau-Caillou. La bonne nouvelle, c'est qu'en arrivant sur Saint-Denis, ça se passe très très bien. Ralentissement tout juste au carrefour avec la route de la montagne pour franchir le pont de la rivière Saint-Denis. Les tranchées, le pont Vincennes sont fluides, la circulation à proximité de Saint-Denis en venant de l'est, c'est assez roulant, mais ça coince en provenance de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne, quasiment jusqu'au plateau de la Mare en ce moment. Il pleut à verse sur Saint-Benoît, de la pluie encore aux portes de Saint-Denis, en tout cas, secteur Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André. Le temps est maussade, restez très prudents, on rappellera, donc, et je vous reparlerai tout à l'heure de ce pèlerinage du Sacré-Cœur en haut de la route des Colimaçons, avec route fermée à partir de 8h30 ce matin. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Et le temps, les gris, le temps, les vilains, vous aurez dit encore. Bon, peu le vent, les prévisions météo, tout à l'heure, juste après le journal de la rédaction. Il est 7h. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. C'est confirmé, ils vont faire appel. Nassima Dindar, Jean-Jacques Vlodi et Bachil Vali ont été condamnés hier dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Ils sont tous les trois inéligibles. Jean-Jacques Vlodi parle aujourd'hui de procès politique. Lui va devoir quitter la Réunion. Papa Sané a été condamné hier pour abus de faiblesse. Le gourou de Saint-Louis avait embrigadé plusieurs jeunes filles. Résultat, 8 mois de prison ferme et une interdiction du territoire de 3 ans. Dans l'actualité également, ce matin, la colère et l'inquiétude des agents des finances publiques. Ils étaient en grève hier pour dénoncer les suppressions de postes et les nouvelles directives. L'administration ne va plus jouer son rôle, selon le syndicat Solidaire. Les planteurs aussi sont inquiets. Les aides de l'Europe tardent à arriver. Une aide d'urgence a été mise en place. Pas de chèque en blanc. L'État va en fait prendre en charge les intérêts des emprunts. Et puis c'est le grand jour pour le Sac Il Faut. Réunion Première et partenaire. On parlera aussi de la fête des Goyaviers. Premier jour ce vendredi. Ce sera à la fin de cette édition. Réunion Première, Florent Marot. Une décision politique. Voilà donc comment Jean-Jacques Vlodi qualifie le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Le député a été condamné hier à 18 mois d'inéligibilité. Inéligible également Nassima Dindar, la présidente du département, prend 3 ans et Bachil Vali pour 12 mois. Tous ont été reconnus coupables de discrimination à l'embauche dans l'affaire du foyer de Terre Rouge. Ils auraient favorisé le recrutement de soutiens politiques. Ils vont faire appel. Maître Norman Omargie, l'avocat de Bachil Vali, le maire de l'Entre-deux. À suivre le raisonnement qui est opéré, ça aboutirait à considérer que nous ne pouvons embaucher simplement que des opposants politiques et non plus des personnes qui seraient proches de nous. Donc ce raisonnement-là n'est pas acceptable et on demandera évidemment à la Cour d'appel d'aller au bout de ce raisonnement qui consiste non pas à opérer un distinguo entre les emplois, mais à simplement constater le droit. Et le droit dans ce dossier, on considère en effet qu'il n'a pas été appliqué à sa juste valeur et on se retrouve sur des peines qui sont totalement injustes parce qu'elles sont déconnectées de la réalité du dossier. Maître Norman Omarji, l'avocat de Bachil Vali, joint par Suzette Emma, Nassima Dindar, Jean-Jacques Vlodi et Bachil Vali vont donc faire appel, tout comme Michel Soukramanien, membre du cabinet Dindar. Lui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Dernier mis en cause dans cette affaire, Yvon Bello, ancien conseiller général. Il a été relaxé. Et on reviendra sur ces peines d'inéligibilité juste après ce journal avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Paul Junot, le président de la CFTC Réunion, à l'origine de la plainte dans cette affaire du foyer de Terre Rouge. Il se dit aujourd'hui victime. Papa Sané va bientôt devoir quitter la Réunion. Il a été condamné hier pour abus de faiblesse. Le gourou de Saint-Louis avait embrigadé plusieurs jeunes filles qui avaient alors tout quitté, maison, famille et enfants, pour suivre son enseignement. Aujourd'hui, elles affirment toujours ne pas être contraintes. Le tribunal de Saint-Pierre l'a tout de même déclaré dangereux et a condamné Papa Sané à 8 mois de prison ferme et à 3 ans d'interdiction du territoire. Les plaintes de ses anciennes disciples ont pesé dans la balance. Pierre Comorassami. À sa sortie de la salle d'audience, Maître Midwari Ali ne cache pas sa déception. Il avait plaidé la relaxe pour son client, le tribunal ne l'a pas suivi. Maître Midwari Ali. Nous avons quelqu'un de profondément sincère qui est dans une quête spirituelle et qui a voulu partager cette quête spirituelle avec d'autres personnes, sans vouloir les tromper et sans retirer auprès d'elles le moindre profit. Pour l'avocat, il n'y a pas abus de faiblesse et c'est ce que Papa Sané n'a eu de cesse d'expliquer durant tout son procès. Les femmes qui suivaient son enseignement, c'était leur choix. Le fait que les adeptes devaient couper tout lien avec leur famille et le monde extérieur, ce n'était qu'une étape, un retrait momentané faisant partie du cheminement spirituel pour se rapprocher de Dieu. Et les accusations des disciples qui ont quitté la maison alors. Un acte pour cacher leur frustration d'avoir échoué dans leur quête spirituelle, lance le prévenu. Des explications qui ne convainquent pas le tribunal. Avec 8 mois fermes à effectuer, Papa Sané sortira bientôt de prison puisqu'il a déjà effectué plus de 5 mois de détention préventive. Mais il devra surtout subir une autre peine. Pendant 3 ans, il ne verra pas sa fille née l'année dernière. Maître Midwari Ali. On a affaire à une personne qui est père de famille et qui a montré l'attachement qu'il a vis-à-vis de son enfant, qui est de nationalité française. Et prévoir une telle peine qui relève de l'infamie, à mon sens, c'est inacceptable. Et la femme de Papa Sané, Farida Hassani, écope, elle, de 6 mois de prison avec sursis pour complicité d'abus de faiblesse. Ils ont tous les deux 10 jours pour faire appel. Ils étaient une 60aine sur 150 devant le centre des impôts de Champfleury. Les agents des finances publiques étaient en grève hier à l'appel du syndicat solidaire. Ils ont voulu dénoncer les suppressions de postes, 2300 en France, 15 à 20 dans Lille. Mais pas seulement, les nouvelles directives sont aussi dans le collimateur de solidaire. Le syndicat prévient, il y aura moins de services, moins d'accueil avec la mise en place d'Internet. Magali Billard, secrétaire adjointe de solidaire. C'est un chemin qui se poursuit depuis 3 ou 4 ans, mais qui là est assumé, clairement annoncé, sous couvert de modernisation. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est que la modernisation, c'est pas la régression. Actuellement, on nous présente toujours la modernisation en enlevant quelque chose à quelqu'un. Et là, on enlève le service public, on enlève l'accueil, on enlève toutes les possibilités qu'avaient les contribuables de venir nous voir, de payer de la façon dont ils voulaient payer. Maintenant, on va leur imposer plein de choses. Et donc, non seulement on supprime des emplois, donc il n'y aura plus personne pour leur répondre, mais en plus ils seront seuls face à leur écran. Et on sait très bien que dans des départements comme La Réunion, actuellement, tout le monde n'a pas accès à Internet. Et tout le monde n'est pas capable de lire une déclaration d'impôt sur Internet. Parce que les termes ne sont pas simples, parce que le langage administratif, lui, n'est pas simple. Donc complètement couper ce lien d'humain à humain, pour nous, c'est une catastrophe. Magali Billard, secrétaire adjointe du syndicat solidaire, au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. Le jour n'a pas été choisi au hasard. En pleine semaine du développement durable, le livre blanc de la ville durable réunionnaise a été présenté hier par le préfet. Une question en ligne de mire, à quoi va ressembler la ville de demain? Concrètement, les cases à terre ne vont pas disparaître dans notre île, mais il sera de plus en plus difficile de profiter d'une cour de 500 mètres carrés. Réunion Première, 7h07, les éleveurs sont inquiets. Florent, les aides de l'Europe tardent d'arriver. Et oui, en cause, la politique agricole commune, elle a pris 2 ans pour se mettre en place. L'Europe a ensuite eu à adapter ses logiciels informatiques, d'où le retard. Le problème, c'est que les éleveurs outre-mer tirent la langue, la Chambre d'agriculture et le ministère ont donc mis en place un système d'aide d'urgence. Pas de chèque en blanc, l'État va en fait prendre en charge les intérêts des échéances de prêt. La Chambre verte, elle, apportera un soutien opérationnel. Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'agriculture. On avait créé l'année dernière une cellule d'urgence pour la trésorerie des agriculteurs. Et là, on l'a réactivée par rapport aux aides qui sont arrivées en retard pour pouvoir anticiper les problèmes créés et avoir un plan de trésorerie pour eux et les accompagner, par exemple, chez les créanciers pour étaler leurs créances. Combien de débloqués ? C'est pas tellement en argent. Après, il y a aussi un fonds d'aide, mais qui est de 150 000 euros, qui n'a pas été utilisé depuis l'année dernière. Mais ça ne va pas être tant en argent que surtout pouvoir étaler, faire des plans de trésorerie pour qu'ils puissent atteindre leur but en fin d'année et attendre les aides qui ont été en retard. Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture, interrogé par Bruce Régent. L'inquiétude également dans la zone. À Mayotte, les autorités ont interpellé plusieurs jeunes hier avant de détruire des habitations illégales. Une opération dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. 102 policiers et 42 gendarmes ont été envoyés en renfort à Mayotte, et cela dans le cadre du plan sécurité, un dispositif en trois axes présenté hier par la ministre des Outre-mer, Georges Pollangevin. Elle est précise de Julie Straboni. Ces 25 mesures du plan de sécurité de Mayotte insistent sur le besoin de concertation et de coordination entre les différentes forces de l'ordre, les services de l'État, le conseil départemental, le vice-rectorat, l'association des maires et la protection de la jeunesse. Ainsi, un incubateur des partenariats verra le jour, tout comme un état-major de sécurité qui offrira une vue d'ensemble des faits de délinquance. La gouvernance dans la lutte contre l'immigration clandestine sera revue et l'action de l'État en mer fera l'objet d'un audit. Les services de la police aux frontières se verront dotés d'un nombre suffisant de vedettes d'interception et de radars modernisés. Une expérimentation de survol en drone pour repérer les Kwassa